Nous sommes le 32 Verdet 1131. Il vous reste 3 jours. Seulement 3 jours pour parvenir à vos fins. Votre enquête, pourtant, en une 8aine de journées, a plutôt bien avancé. Vous n'aviez aucune idée de ce qui pouvait être la prochaine victime. Vous avez su cibler une partie de la ville. Vous êtes concentré sur un milieu. Vous n'avez pas encore le nom de celui qui est potentiellement menacé de meurtre. Mais vous avez une liste de potentielles victimes. Aujourd'hui, vous avez 4 noms qui ont été établis par vos réflexions, vos recherches, votre enquête. Ces 4 noms sont Roland Bonnet, l'écrivain dramaturge qui oscille entre ses textes pour les conteurs de la haute ville et les écrits pour les théâtres du masque, pour le théâtre du masque. Auguste Vachet, le directeur et metteur en scène du masque de théâtre qui est actuellement à Paris. Daniel Munoz, l'architecte parisien qui vient sur Venise pour la fête du concert de la photographie. Et vous n'avez certes pas pu encore le rencontrer, mais son aspect important et éphémère sur Venise vous intrigue. Enfin, Rudolf Klimt, le baronnet, non pas par le sang, vous le savez, mais par effectivement des accords autres qui a été passé pour obtenir ce titre de la noblesse marchande. Vous savez que Baronnet dirige une bonne partie du concert de la photographie. Cependant, ces derniers jours n'ont pas été très productifs. Non pas de votre faute, évidemment. Vous avez, de votre côté, travaillé du lever au coucher du soleil, Esther ayant repris du service. Mais voilà, votre piste vous demande patience, car votre principale piste, qui passe par Alceo, eh bien, demande à Alceo d'aller contacter des gens au sein du ministère, et vous le savez, ce sont des choses qui prennent énormément de temps. Chose obligatoire, évidemment, par le fait que le ministère de la Propagande garde en son sein des informations qui, si elles seraient sues du grand public, pourraient amener un désastre total sur la société. Donc, ils doivent faire en sorte que l'information ne puisse pas circuler simplement. Cela serait bien trop dangereux. Quoi qu'il en soit, il ne vous reste plus que prendre votre mal en patience, continuer d'explorer, de chercher, de réfléchir, d'amener des théories, d'amener des plans pour savoir comment réagir une fois que vous aurez la personne face à vous. Et tout ceci, vous allez le faire aujourd'hui. Et je vous demande donc, quel est votre plan pour la suite des événements? De mon côté... Pour l'instant, là, on est au QG, là, on est d'accord. De mon côté, je questionne les autres. Du coup, je leur demande, avec ce que j'ai raté, quelle est pour vous actuellement la piste la plus intéressante à suivre? On ne peut pas la suivre, la nouvelle. Enfin, la plus intéressante. C'est laquelle? La plus intéressante, c'est... techniquement, tous les gens qui ont été susnommés, mais surtout qu'on peut ne savoir vraiment de qui il s'agit qu'une fois que le CEO nous donnera plus d'informations par rapport à ce qu'on lui a fourni. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, on peut que manger les miettes en attendant le vrai repas. C'est vrai que pour l'instant, la seule personne qu'on n'a pas vue, c'est Munoz. On n'a aucune idée. Vachet, techniquement, c'est plus compliqué puisqu'il est à Paris, donc on n'aura pas le temps d'aller le voir de toute façon. Oui, non, ça va être. Munoz n'est pas encore là. Munoz, il devrait être dessus. C'est dans 2 jours. Ah oui, c'est vrai que c'est que dans 2 jours. Oui, non, j'ai rien dit. Je pense qu'il vaut mieux qu'il soit là. Donc, limite, il faudrait qu'on arrive à au moins, en attendant d'avoir les informations d'Alceo, de rencontrer Munoz pour un peu faire sa connaissance et voir s'il n'a pas peut-être remarqué des choses un peu bizarres ces derniers jours ou depuis qu'il est arrivé sur Venise. S'il connaît pas des gens, ouais, s'il aussi. Le connaissait, ça ferait de lui un homme mort. Voilà. Enfin, on va éviter déjà de lui dire que sa vie est menacée. du moins pas tout de suite. Mais ouais, ça peut être intéressant déjà de peut-être voir cet aspect-là de, enfin, la seule personne qu'on puisse encore voir et qu'on n'ait jamais vu. Puis peut-être il pourrait nous apporter des choses qu'on n'a pas encore et qui pourraient encore faire changer notre vision du truc, quoi. Yes. Mais j'avoue que j'ai quand même un petit faible pour ce Munoz. Je sais pas pourquoi, quand je vois Théana qui est venue de son bled pour ça et qui est morte un peu après, là, lui qui vient de son bled et... Bon, même si en soi, ça n'a aucun rapport probablement, mais je sais pas, je vois bien le petit Munoz. Ouais, de toute manière, s'il est là, autant suivre la piste, au moins jusqu'à voir ça. Oui, oui, oui. Sinon, on prend les trois qui sont présents, on les enferme dans une pièce avec des gardes pendant le jour de où c'est dangereux pour eux. Et au moins, on est sûr. Toi, le jour où ils sont censés faire des apparitions publiques à des festivals, genre, t'as la moitié de la ville. Ouais, mais bon. On va les foutre dans une cage qui était en plein milieu de la foule et ils vont faire leur discours depuis là. C'est ça. Enfin, moi, voilà, je vous dis, mes chers camarades, que ce serait quand même bien d'aller voir ce Daniel Munoz et d'avoir une petite conversation avec lui. Et très bien. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez autre chose à vouloir discuter ou est-ce que vous mettez en route immédiatement? Je crois qu'on est le matin, toujours quand on commence une session, si je ne vous l'indique pas, c'est qu'on est le matin et quand je vous dis rien, c'est que vous êtes au QG, vous avez la musique du QG. C'est le standard d'une session qui commence. Perso, je n'ai pas okay. Grand-chose à faire. Puis le temps presse. Donc... Oui, en effet, on peut y aller directement. Vous commencez à vous préparer après avoir déjeuné un petit morceau de la mousse cuisinée par Kornilov, sa grande spécialité. Et alors que vous êtes en train de vous préparer, mettre tout simplement vos vestes, ce genre de choses, hein, vous entendez toquer à votre porte. Tiens, de si bon matin, je vais ouvrir la porte. Bien, allons ouvrir, oui. Qui ouvre la porte pour savoir J'y vais. Ça a l'air d'être okay. Vrai. Sachant que vous pouvez être plusieurs, bien entendu, à y aller, mais il y a une seule personne qui met sa main sur la porte. Non, on l'ouvre à trois. Non, je ouvre la porte, si je ouvre la porte. Oui. Ok, c'est toi qui ouvre la porte. Tu tombes sur un petit jeune, blond, les cheveux courts, un peu en l'air. Et il a l'air essoufflé. Tu sais qu'il vient de monter hein, tous les étages pour arriver au vôtre. Et il est... Bonjour, vous êtes... Laisse-moi deviner. Tu viens de la part du ministère de la propagande. Non. Non. Mais vous êtes métropolite. Dommage. Oui, métropolite. La unité inter-empire, tout ça, là. C'est ça, tout ça, là, exactement. Oui. Ok. Ah, mon Dieu. Eh, vous n'êtes pas facile à trouver, hein. Nous, on trouve les gens. C'est pas aux gens de nous trouver. Vos supérieurs m'ont fait tirer beaucoup trop de poudre aux albates, là. Ils m'ont fait naviguer partout pour vous trouver. C'est. Eh, vous devrez signaliser votre QG, quelque chose comme ça. Parce que si vous comptez recevoir des gens, caché au milieu des résidences, comme ça, on vous trouve pas. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Tu m'envoies désolé, petit gars. Alors. Ouais. Oui, je viens de la part de Madame Margani. Oui. Vous avez rendez-vous le 30 de cette lune. Ah ben non, attendez. Pardon, parce que. Du coup, c'est aujourd'hui le 30. Non, mais ça fait deux jours que je vous cherche aussi. Le 30, c'est aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Du coup, oui, vous avez rendez-vous cet après-midi à la sous-bâtisse de l'arbre. C'est un quartier que vous connaissez. Ceci est la voix off. Genre, le petit. Ouais, ok. Elle t'a donné une raison ou. Elle m'a dit que c'était. Enfin, c'est le message que je dois faire passer. D'accord, on sait jamais. Elle a peut-être pu donner plus de renseignements. Bah, écoute, merci du message. Ok. Ouais, ouais. Du coup, ça coûtera 2 sous. Madame Maragani a déjà payé les 3 autres. Moi, je lui donne 2 sous. Wing! Bon, je rappelle que les sous, c'est l'unité la plus basse hein, de la salaire. Ouais, non, mais je lui donne 2 sous. Vous savez que, c'est vrai que quand vous êtes métropolite, j'ai envie de réinsister un peu là-dessus, mais vous êtes métropolite, vous gagnez 30 lits, vous êtes parmi les gens les plus riches quand même de la ville. Enfin, pas au-dessus de la vraie haute société, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, un ouvrier, ça peut se tuer pour une lige. Vous, voilà, vous en touchez 30. Voilà. Il y a des gens qui vivent avec des sous et des urles. Vous vivez avec des liges. Bon, voilà, vous n'avez pas tous le même. Non, mais je lui donne les 2 sous. Ah, non, mais c'est juste pour remettre un peu en contexte. Dans la face, comme ça. Yes le système monétaire. C'est parce bon. Que c'est vrai que pour l'instant, vous vivez avec 30 liges, mais il ne faut pas oublier que vous êtes quand même un cas très, très bien payé. Non, mais ça, si ça, c'est pour avoir mes 2 jours pour nous trouver. Ouais, que, bah, il prend les pièces. Bon, bah, si vous avez besoin, n'hésitez pas à contacter notre service de messagerie. Et puis, il met les sous dans sa poche et puis il descend. Allez, bonne journée à toi. Oui, ok. Madame Maragani, rafraîchissez-moi la mémoire. Bah, tu connais pas Madame Maragani? C'est Alig. Maragani. Maragani? Tu la connais pas? C'est laquelle déjà celle-là? Attends. C'est pas celle qui. C'est pas grâce à elle qu'on a des chaises? Non, je sais plus. Non, c'est Léonie Kramer, ça. Je sais plus. Ah, Maragani. Attends, Maragani. Putain, moi non. On connaît trop de gens, je sais pas. Tu fais. On n'est pas grand monde à la connaître, visiblement. Alors, celui qui dit ça, c'était le. C'était le personnage. Moi, je le connais pas. Ah oui. Parce que toi, tu connais pas, mais le personnage, il connaît. Ouais. Le personnage, tu te dis ça. Moi, je te dis, écoute, je sais plus. Attends, ça doit être dans le. C'est dans pas le. C'est pas ta. C'est pas le nom de famille de ton alcoolique. Ah oui, d'accord. C'est. Je sais pas si c'est le cas. Attends. De toute manière, on vous a donné une adresse. On y va et on fait comme si on avait prévu que c'était. Avec une grande bouteille de vin, enfin de liqueur. Oui, bonne idée pour faire des économies et t'achètes plutôt que de lui payer un livre vert d'absinthe. Tu vas chercher dans un dépotoir une vieille bouteille trafiquée, coupée à la lessive. C'est un livre vert d'absinthe ? Je sais plus où est-ce qu'on a. Dans un bar, tu lui avais payé à ton informatrice. Non, c'est bien Maragani, hein, c'est ça. Hein. T'es sûr? C'est bien elle. Parce que je sais que c'est moi, Elsa, mais... Moi, j'ai connu que Elsa, enfin, j'ai retenu que Elsa, mais c'est Elsa Maragani. Je vois qu'on se souvient aussi. Ah, tu as jamais demandé, c'est la question. Elle est sur le thrombinoscope, de toute façon. Bah oui, mais elle est écrit Elsa, et pas... Tu lui as jamais demandé. C'est ça aussi c'est ça ton plaisir. C'est une bonne école de gens comme ça. Alors comme ça, tu connais pas Madame Maragani. On va y aller, on va y aller, et puis si c'est elle, bah... Attends, en fait, c'était juste une vieille fausse adresse, là. Écoute, c'est parti. C'est vrai que je ne savais pas comment s'appelait son nom de famille. Eh bien, pour vous dire, là, on est en fin matinée, genre il est 10h-11h. Est-ce que du coup, vous allez d'abord faire de vos réunions ou est-ce que vous essayez de quand même aller voir d'abord l'homme, sachant que si Munoz est dans la haute ville, il vous fera quelques heures, donc il faudra être très speed. C'est une vraie question. Bah, autant qu'on n'ait pas à se presser, parce que si vraiment il y a des choses intéressantes avec Munoz, je pense qu'on va prioriser Munoz plutôt que Elsa, a priori. Ou alors, possibilité, on se sépare. Perso, j'ai quand même envie d'être là pour Munoz. Parce que le problème, si on se sépare, c'est qu'on comme on ne sait pas qui est Maragani. C'est le contact de quelqu'un qui n'est pas là. Parce que notamment, si c'est Elsa que tu vas voir Munoz, ouais, on est un peu en mode random, quoi. Bah, c'est ça, donc honnêtement... Sans qu'elle nous a vu, ce que vous étiez plusieurs lorsque vous l'aviez croisée. Mais moi, par exemple, Elsa, je crois que je ne l'ai jamais croisée. Ou peut-être une fois. aussi, c'est quand vous êtes allé l'interroger sur les tenues, je crois que tout le monde est venu. Oui, t'étais là. Mais effectivement, ouais, c'était là. Rapide, c'était. Ouais, ouais c'était là. Fugace, quoi. Je se souviens sûrement beaucoup plus de l'un d'entre vous. Vous vous souvenez du rendez-vous qu'on vient de nous donner? Il y a un moment précis où on doit être là ou juste. Tout début d'après-midi, ouais. On a le temps, je pense. Ça se fait, hein, le trajet, on est à bon matin là. Bah là, vous êtes en matinée, donc si vous voulez vous y rendre, il faut ouais, vous avez une heure devant vous pour y aller. Quoi. Je parle plutôt de ça se fait en trajet, d'aller voir Munoz, puis d'être là en début d'après-midi avec Elsa. C'est ce que je vous ai dit au tout début, c'est que c'est faisable, mais il faudra sûrement vous presser, parce que vous n'êtes pas sûr de là où se situe exactement Munoz. Oui, vous avez des vélos, je le sais, je le prends en compte dans mon... c'est bien tenté. Mais voilà, mais n'empêche qu'il faut trouver Munoz, et même si vous le trouvez immédiatement, vous n'aurez pas non plus beaucoup de temps pour parler avec lui. Mais vous pouvez quand même le faire, si vous voulez faire un petit truc rapide. Ouais, non, mais personnellement, je pense que c'est... Il vaut mieux pas... Parce que autant... Bon, si c'est Elsa, je pense qu'elle va peut-être me reparler du fait que, comme je lui ai dit... que je verrai probablement le ministre le 3. Peut-être qu'elle va me reparler de ça, ou alors peut-être elle a quelque chose qui lui est tombé, enfin une info qui lui est tombée dans les mains et quelque chose à nous dire. Ou alors je vais anticiper le truc et je vais reprendre la tenue avec moi. Que bon, là, la tenue aussi, bon, on l'a vu. Et je vais la reprendre, la tenue, comme ça, au pire, je lui rendrai si jamais c'est elle. En lui disant que c'est bon, quoi. On a assez. Okay. Bon, je la garde, du coup, je me déguise. je comprends donc que vous allez vous y rendre tout de suite. En prenant votre temps, du coup, parce que vous avez un peu de temps, vous pouvez bien vous préparer. On prendra pas les vélos aujourd'hui, pas besoin. Pas de soucis. Par exemple, est-ce que vous venez en métropolite ou en citoyen? Métropolite. Métropolite, oui, bien sûr. On aime bien l'uniforme. Très bien. Je vais vous montrer qu'on gagne 30 liches par mois. Eh bien, vous avez quitté le QG. Vous avez traversé assez facilement vos quartiers. Il n'est pas si loin que ça. Il y a quand même quelques distances, quelques îlots à traverser, quelques quartiers vous séparent, mais même si du coup ça fait une petite route, voire une petite heure de route, ce n'est pas non plus à des heures, à des jours de marche, ce genre de choses. Et donc, vous arrivez au fameux quartier de l'Arbre. Le quartier de l'Arbre, pour le situer déjà, c'est un quartier qui se trouve, pile en dessous de la haute ville, donc elle est donc dans la haute basse ville si vous préférez, et pourtant elle est quand même maintenue et mise en situation dans comme une partie intégrante de la haute ville. Elle a toujours été c'est un quartier plutôt riche, plutôt élégant, ce genre de choses, malgré sa présence plutôt dans les sa présence géographique, toujours de choses dans les bas quartiers. C'est un quartier très poétique, pour le coup. C'est un quartier où, en fait, énormément de conteurs se retrouvent, hein, pour vous donner un peu le contexte. Et vous le savez, surtout pour ceux qui sont là depuis longtemps à Venise, qu'à la base, c'est un quartier qui n'était pas du tout nommé, en fait, le quartier de l'Arbre. C'est quelque chose qui date d'il y a quand même quelques décennies, mais qui est quand même assez récent. Où, en fait, le quartier a toujours été un centre poétique de Venise. C'est toujours un centre de création, d'art, hein, tout simplement. Et donc, du coup, ça a été décidé de le renommer sous le symbole d'une ressource, une des ressources les plus rares de la toile, qui est l'arbre, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'il s'appelle le quartier de l'arbre. Et tout simplement, parce qu'on racontait, du moins quand vous étiez petit, notamment pour, du coup, énormément la Victor, parce que... Le reste, vous n'êtes pas forcément vénitien, vous ne racontez pas forcément l'histoire d'une place qui vient d'un endroit où vous n'habitez pas. Mais toi, Victor, tu sais qu'on te racontait que ça s'appelait quartier de l'arbre, parce que des arbres, on en tire des feuilles, on en tire des livres, on en tire des planches, mais surtout, on peut en tirer des poèmes. C'est ce qu'on disait, et c'est pour ça que ça a été nommé ainsi. Et Du coup, chaque maison s'est adaptée et maintenant leurs ornements, et leur peinture représente maintenant généralement un dessin bleu d'arbre, surtout pas rouge. On rappelle que le rouge, c'est pauvre, pauvre. Hein. Du coup, voilà, pour montrer qu'eux, ils sont un peu plus au-dessus, c'est du bleu. Ouais, c'est mieux. Et oui, on peut en parler rapidement. C'est juste pour contextualiser un peu la zone, mais vous savez que déjà beaucoup de poètes y vivent, hein, ce genre de choses, mais surtout ce qu'on sait, c'est que ci et là, au centre de la place, en fait, du quartier de l'arbre, il y a un arbre de métal, hein, parce que bon, avoir un vrai arbre serait un peu compliqué, et de cet arbre de métal, en fait, souvent on y trouve, de temps en temps, surtout, un nouveau poème de Laveridici. Vous savez que c'est comme ça qu'elle rend public ses poèmes. Elle laisse tout simplement son poème sur une plaque de cire au pied de cet arbre de métal. Et je rappelle que, pour ceux qui... Je vous épargne de chercher ça dans vos notes, Laveridici, c'est, c'est un des poètes les plus connus de Venise, mais on ne sait pas qui c'est. Voilà. C'est considéré comme l'un des meilleurs poètes de la génération, mais son identité est cachée. Beaucoup suspectent un peu, c'est ce que vous disait Razian notamment, qui est un homme de la loge des antiquaires, qui vous disait que voilà, beaucoup suspectent que ce soit quelqu'un des quartiers populaires, et c'est vrai que par exemple le fait qu'elle s'exprime par cet arbre l'indique un peu, enfin c'est un indice supplémentaire. Quoi qu'il en soit, le quartier il est surtout construit sur deux niveaux séparés. Il y a le haut quartier, qui est, vous savez, le quartier hauteur de route, etc., avec des bâtisses. Et en fait, en dessous, il y a un second quartier, qui sont vraiment superposés. Je m'autorise à faire une référence, parce que d'habitude, je fais rarement des références à des trucs externes, mais pour le coup, vraiment, vous voyez, parce que je sais que quasiment tout le monde ici a joué à Skyrim, la ville de Falaise, voililà, c'est exactement la même construction en deux étages. C'était ma seule référence d'un univers extérieur, hein, en dehors, dans Skyrim. Donc voilà, cette construction à double étage avec l'un qui sert de sous-vide à la première. Je vois des sourcils qui se font, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Je ne sais pas si ce n'est pas clair. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dirais, moi je connais mon lore, ce qui arrive. Et là, tu dis n'importe quoi. Bon. Et voilà, juste pour dire, voilà, c'est construit comme ça. Et par exemple, quand vous parlez, pour vous recontextualiser, mais quand vous parlez de la basse bâtisse, vous savez que tous les bâtiments qui commencent par basse, c'est à l'étage du dessous qui donne pas directement sur l'écrime, mais quasiment. Là où l'étage du dessus, il n'y a pas de préfixe pour le coup. On dit juste, je vais à la bâtisse, c'est l'auberge. Quand je vais à la basse bâtisse, tu vas à l'auberge qui se trouve en dessous. Bâtisse, c'est pas le nom d'une auberge. Enfin, c'est juste le nom d'une auberge. Hein. C'est pas une façon de dire auberge. Quoi qu'il en soit, je me suis perdu en explication. Je vous écris ce nom-là et je reprends. Non, mais je voulais juste dire que la bâtisse, c'est le nom de l'auberge. Parce que je sais qu'une bâtisse, c'est un bâtiment. Mais c'est le nom de l'auberge dans ce quartier-là. Mais voilà, mais c'est dans l'univers, on dit pas bâtisse pour une auberge. Voilà. Non, mais ce que je voulais dire. La vérité. Voilà. Parfait. Du coup, vous vous y rendez comme prévu. Et vous descendez en fait assez facilement parce qu'il y a des accès très simples à trouver en fait, quasiment partout pour descendre dans le bas quartier. Et du coup, vous descendez dans le bas si vous cherchez le bâtiment. Effectivement appelé la bâtisse, qui sert d'auberge taverne à bas prix, et ça vous le savez parce que c'est un endroit assez réputé en fait à Venise pour une chose, c'est surtout que c'est une bâtisse, enfin c'est une auberge qui accueille énormément les gens qui n'ont pas de moyens, donc vraiment les prix sont très très baissés, mais surtout vous savez qu'elle a une réputation, et ça surtout parce que vous êtes métropolis, donc on vous parle un peu des trucs illégaux qui peuvent se passer dans la ville, ou du moins des trucs à surveiller, et en fait la bâtisse est connue pour être une auberge pour les gens qui ont les moyens par contre de proposer des services de protection en fait envers les clients de leur auberge, donc voilà, c'est typiquement là en fait où vont les gens qui ont envie de se faire oublier de la ville, voire plus, voilà, c'est une auberge réputée pour ça. Vous rentrez dans ce qu'on appelle la sous-bâtisse. Vous tombez dans un hall dans lequel il y a quelques tables, hein, qui sont dressées à votre droite. Hein, et face à vous, en fait, il y a une femme qui tient le comptoir. Le couloir, enfin, il y a un couloir à votre gauche directement qui donne un peu plus loin sur des escaliers. qui va donc voir la femme qui tient l'accueil. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi tout. Pardon. je m'avance. Bonjour. Excusez-moi. Nous avons rendez-vous avec Madame. J'ai oublié son nom. Marine. J'ai oublié son nom. Et c'est ainsi que la campagne s'arrête. Allez, j'ai oublié de noter. Ah, ne serait-ce pas par hasard, Madame Elsa Marigani? Dis donc, tu ne connais pas Elsa Marigani par hasard? Alors, déjà, on ne sait pas encore si c'est Elsa Marigani, déjà. Donc, je te dis Madame Marigani. D'ailleurs, en vrai, c'est Maragari, mais je l'autorise. Maragari. Parce que depuis le début, j'ai vu que tu avais fait la faute, mais c'est pas vraiment une vraie faute. Donc, au moins, il y en a un qui suit. Comment ça s'écrit vraiment? Maragari. Il y a des A partout, tout simplement, sauf à la fin. Maragari. Oui, du coup, bah, on va dire que ceci n'a jamais existé. Oui. Que je dis bonjour. Oui. Nous avons rendez-vous avec une femme du nom de Maragari. Tu vois que la femme, d'ailleurs, il y a quelque chose qui vous marque tous hein, par rapport à cette femme avant qu'elle te réponde. C'est qu'elle a clairement des traits qu'on pourrait appeler nous asiatiques, hein, qui vient donc du coup des marches, du moins de ce qu'on appelle les marches dans la toile. Ce qui est très rare, hein, je vous rappelle que ce sont des clans mongols nomades et qui vivent vraiment en clans qui sont... Enfin, autant Venise est une ville pluriculturelle, il n'y a pas de souci, il y a vraiment de partout de la toile, voilà, vous trouvez du Lansk, vous trouvez du Gloriana, de la Pantapoli, voilà, ça vous le savez. Par contre, c'est vrai que les marches, bah, en fait, elles n'ont pas tendance à rejoindre les vignes, puisqu'ils sont fondamentalement contre. Et donc c'est très rare en fait, de croiser, si vous n'êtes pas sur les traverses, des gens... bah, qui font partie des marches mongoles. Et là, pour le coup, c'en est une, et non seulement elle y est, mais en plus, elle a l'air de bien y tenir. Donc, c'est... Ok. Juste pour vous préciser. Et vous voyez qu'elle répond « Oui, on m'avait dit qu'on vous attendait. Eh bien, dirigez-vous au couloir, au fond, prenez les escaliers qui descendent, ils sont dans la sous-salle. » Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Bien de même. Et on y va. Vous descendez, vous arrivez au couloir, et vous descendez effectivement, comme je viens de le dire. Vous arrivez à... face à une porte que vous toquez, vous ouvrez directement. Est-ce que vous êtes en mode conf, nous a dit de descendre, ou est-ce que vous... Ok, je pense. Ouais, on va frapper, ouais. Vous toquez. Je suis pas impoli. Vous toquez et c'est un homme qui vient vous offrir. Un homme plutôt vieux, la grosse moustache, mais une moustache bien, bien taillée. Hein. Vous sentez vraiment la personne très carrée, d'ailleurs qui a une corpulence très impressionnante. Et il vous regarde. C'est vous les métropolites dont vous a parlé Elsa? À votre avis. C'est bien, c'est bien. On va rentrer. Pour nos badges et nos tenues. C'est nous. Vous rentrez, en fait, vous êtes dans une toute petite salle, très faiblement éclairée, non pas par le moyen, mais vous sentez que c'est vraiment fait exprès pour se mettre dans une ambiance. C'est une ambiance, oui. Et c'est très faiblement éclairé. Il y a d'ailleurs des fortes odeurs de tabac, tout simplement, de cigarettes, de pipes qui fumaient. Et face à vous, en fait, vous avez quatre hommes, en comptant l'homme qui vous a ouvert. Voilà, vous avez quatre hommes, tous avec des carrures très carrées, etc., qui sont assis autour de la table et qui vous tendent, du coup, une chaise. « Oh, mais asseyez-vous donc !» Et qui vous tendent des chaises, une chaise chacun. Je remercie, et je dis « Mais Elsa n'est pas là ?» Non, mais elle n'avait pas le temps. Enfin, c'est vous qui voulez nous parler, non? Ouais, non. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, écoutez, je m'assois en regardant les autres. Je m'assois. Comment ils ont l'air Vous faites partie de l'armée, c'est ça? Exactement, enfin, nous faisions partie de l'armée. Faisions, oui. Je veux dire qu'on faisons partie à l'heure actuelle. Nous avons échassé, c'est ce que vous voulez, non? Oui, non, c'est vrai que je lui avais parlé de ça et je le remercie pour cela, ce rendez-vous. Donc je m'assois, enfin les autres, j'imagine que vous asseyez aussi. Écoutez, déjà merci d'être venu, d'avoir répondu à son appel. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ne cassez pas les verres quand même. Vous savez, nous à l'armée on fait souvent pas trop gaffe de comment on gère nos forces. Donc, alors... vous avez des questions sur comment se passent les chassiers Oui. Si vous avez des questions, je vais y répondre. Tout à fait. Alors comme ça, vous étiez échassier sur Venise même ou d'autres Ah non, nous sommes des soldats antipoliens. On a vécu la guerre d'Acrimonie et on n'a pas aimé ça. Du coup, on a déserté. Ok. D'accord, je comprends. Et vous avez fini... C'était pendant la guerre. Oui, c'était pendant la guerre, oui. Et donc, vous avez vécu comment par la suite? Vous avez été échassié, mais... Enfin, eh bien, lorsqu'on a quitté, nous avons, dans un premier temps, paniqué. Nous avons vécu sur les traverses comme on le pouvait. C'était difficile, croyez-moi, mais moins difficile que la guerre, que voir des gens mourir, des traverses détruites. Ça, c'était vraiment difficile. Ensuite, nous avons mis en place la FACAS. C'est notre groupe de forces armées contre l'armée vicieuse. Parce que vous savez, nous sommes contre l'armée à l'heure actuelle. Par exemple, savez-vous que l'Antipoli finance directement les marches mongoles pour attaquer le Lansk? Nous le savons. Vous êtes bien au courant de choses. On s'est réunis de façon lunaire afin d'enquêter et de mener à bien nos actions. Pour l'instant, on a un peu du mal à faire face à l'armée, mais nous avons pris Venise parce que les forces armées de Venise sont, excusez-moi du peu, mais inefficaces. Pas très... Vous êtes au courant, je veux dire, si on retire les milices qui font partie de Venise, l'armée en elle-même à Venise, enfin, vous êtes au courant, enfin, vous monsieur là, toi qui demande toi quand il y a vous, qui avez l'air assez vieux pour avoir connu les guerres d'Acrimonie, qui ne sont pas le cas de ces pauvres jeunes qui vous accompagnent, vous avez peut-être connu même ces attaques qu'a vécu Venise. À ce qu'on sache, est-ce que c'est l'armée de Venise ou est-ce que c'est la milice qui a empêché les gens de rentrer dans la ville? Vous avez raison, en effet, vous avez raison. Bien sûr, bien sûr. Mais tout le monde le sait, et je comprends même pas pourquoi il y a encore un ministère de la guerre tant que l'armée est si inefficace. Mais justement, c'est pas grave, mieux vaut une armée inefficace que des monstres comme l'Antipode. Du coup, j'aurais donc quelques questions à vous poser. Et la première, c'est par rapport à vos équipements. Il est vrai que vous avez donc des tenues qui s'adaptent à la teinte de l'écrime, si j'ai bien compris, en fonction des saisons. Oui, c'est cela, une invention merveilleuse qui a permis des missions d'infiltration hors du commun. Et j'aurais aimé savoir, du coup, lorsque vous étiez dans l'armée, est-ce que vos supérieurs avaient des tenues qui vous étaient quelque peu les mêmes, mais un peu différentes à la fois? Vous posez des questions bien étranges, quand même. Non, mais dans le sens que... Voilà, même, mais différentes, c'est-à-dire... Avec un chapeau melon. Des ornements peut-être supplémentaires, ou du cuir, des choses... Vous savez, En Antipolis, c'est clairement le cas. Je ne saurais pas dire ici à Venise, hein, nous ne sommes pas spécialement vénitiens, mais oui. En tout cas, en Antipolis, effectivement, plus tu montes en grade, plus tu dois t'habiller différemment, et puis ça dépend de ton poste aussi, parce qu'un chape SHE, c'est juste quelqu'un qui doit traverser, mais il y a plusieurs postes, en fait, des chassiers. Il y a ceux qui savent se repérer, il y a les cartographes, qui ont des énormes tenues de métal... tout simplement sur eux, des scaphandres entiers pour se repérer. C'est tout un métier de savoir faire ça. J'ai jamais réussi. Ça m'énerve. Mais voilà, ça dépend des postes. Et du coup, par rapport au poste et par rapport au grade, vous avez un équipement qui est adapté à ce que vous devez faire. Un haut commandant va avoir un équipement plus solide, plus rempli de protection supplémentaire, parce qu'un commandant se doit d'être à l'avant. Vous êtes d'accord au moins avec ça? Oh, bien sûr, bien sûr. Les jeunes mourir. Et du coup, voilà, ça évolue avec le temps, oui, si c'est votre question. Du coup, comme je l'avais emmené, pensant voir Elsa, je sors la tenue des châssiers qui était anciennement à sa femme, et j'essaye de lui expliquer, en fait, ce que nous, on avait remarqué en plus sur la tenue lorsqu'on a... lorsque la dame nous a donné les détails. Donc c'était des trucs en... Il y avait du cuir un peu, enfin je sais plus exactement. Ouais, oui, c'est ça, il y a un surplus en fait qui a été rajouté, des lanières de cuir, etc. De quoi rajouter des poches, etc. Voilà, est-ce que tu parles aussi du masque? Ouais, pourquoi pas, ouais, bien sûr, oui. En fait, je lui donne la tenue qu'on a vue, nous, et je dirais à savoir, est-ce que ça lui évoquerait quelque chose en particulier? Une telle tenue, non, je vois pas. Ça ressemble à juste quelqu'un qui s'est fait des constructions. Non, normalement, c'est des choses vraiment concrètes, pas juste des lanières, mais je vous l'ai dit, des plaques de protection, ce genre de choses. Une lanière de cuir, n'importe qui peut le faire, c'est pas intéressant, surtout pas en plein milieu des crimes. Hein. Le cuir ne retient absolument pas les crimes, à la limite. Vous voyez, si on porte du métal, hein, c'est pour éviter de mourir instantanément. Enfin, si les hauts gradés portent du métal, c'est pour cela. Parce que quand t'es bas gradé, évidemment, ta vie n'a aucun prix pour ces foutus ministères de la propagande. Non, excusez-moi, ministère de la guerre. J'ai un peu trop bu ce soir. Et voilà, le ministère de la guerre s'en est toujours foutu. Et bon, t'as pas de métal sur toi, tu tombes, tu fonds, c'est fini. Moi, j'ai vu un ami mourir dans les crimes. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Oui. Camarade présent ici, oui. C'est quelque chose d'horrible. Je veux bien vous croire. C'est incroyable, en effet. Je veux bien vous croire. Du coup, vous me certifiez que donc ce que je vous ai décrit n'est absolument pas une tenue d'un haut gradé quelconque machin. Non, mais... Je connais là votre gars là, le mec qui traîne en masque. Ah. Ouais. Moi je pense que c'est juste un tueur fou. Vous savez, hein, les gens racontent des choses sur lui, que c'est un vengeur masqué. Certains parlent même de punition divine. Non, je pense que c'est juste un mec qui a un problème au ciblard. Vous voyez, quelqu'un de... malade, et je pense qu'il faut pas lui accorder d'importance. Enfin, vous, c'est votre métier, hein. Je dis pas ça pour vous, je parle pour les gens comme moi, comme... Mm-hmm. Vous, si vous devez enquêter sur lui, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens lui accordent trop d'importance, et c'est ça qui le renforce. C'est intéressant ce que vous dites là. Les gens parlent de cet homme, vous dites? Oui, mais jamais de lui directement, vous voyez. C'est une légende urbaine, maintenant, dans la ville. Moi, j'étais là lors de ces premiers meurtres, quand les compteurs en parlaient avant que votre ministère fasse taire les gens, et je ne dis pas ça en disant que c'est une mauvaise décision, bien entendu, ne vous inquiétez pas, je peux comprendre. Je dis juste que, malheureusement, le fait d'avoir fait taire finalement sa présence en tant que simple tueur, ça l'a rendu légendaire. Et ouais, il y a des gens qui parlent d'hommes machines, qui parlent d'automates. Moi, je traîne un peu dans tous les quartiers et j'entends de ces choses qui sont dites sur ces meurtres. Et c'est très... Je comprends tout à fait la raison qui vous pousse à éviter d'en parler publiquement. Ça a l'air d'être quelqu'un de dangereux, par contre. Ça, je ne le nie pas. Mais comment avez-vous fait le rapprochement entre vous parlez ce d'un, que je vous ai dit. Vous parlez d'un homme masqué. Tous les gens parlent de cet homme masqué. C'est juste qu'est-ce qu'il rattache derrière. Si vous parlez d'homme masqué à n'importe qui dans cette ville, il comprend. Enfin, à n'importe qui s'intéresse un peu à ce qui se passe autour. Hein, mais il comprendra de qui vous parlez. C'est une légende urbaine, je vous l'ai dit. Sauf que voilà, certains y voient une machine, d'autres y voient un vengeur, d'autres y voient une punition divine. Certains pensent même qu'il n'existe tout simplement pas et que c'est une invention de votre part, ce que je ne pense pas du tout. Et la preuve, vous êtes en train d'enquêter dessus. C'est ça, c'est ça. Perspicace, vous. Alors, excusez-moi, bon, vous avez vu mon âge, vous avez vu ma carrière en tant que militaire. Si je n'aurais pas été perspicace, je serais actuellement au fond des crimes. Et puis j'étais enquêteur pour le ministère de la guerre avant d'être appelé sur le front, donc j'ai un peu l'habitude des enquêtes, de ce que vous faites, tout ça. C'est intéressant. Vous ne chercheriez pas de contact. J'aurais une question. Est-ce qu'il avait l'air de croire à ce qu'il disait ou pas? Quand il disait que pour lui c'était juste un fou. Oui, alors pour le coup il avait l'air sincère. Enfin, tu vois, tu sens que c'est pas quelqu'un qui se cache derrière des manières. Tu sais, il parle assez directement. Oui, ça parle, il a l'air plutôt direct. Et effectivement, tu vois, quand il a parlé de ça, il a pas pris un ton différent du reste de la conversation, tu vois. Il en parlait vraiment... Bon, vous sentez vraiment que quand il insiste beaucoup sur le fait qu'il pense que le ministère de la Propagande... bon, vous sentez que c'est quelqu'un qui sait que vous pouvez mal le prendre, donc voilà, là, tu sens qu'il met des pincettes. Mais c'est vrai que sinon, quand il en a parlé, oui, non, il avait l'air sincèrement... convaincu de son opinion sur le sujet, quoi. Ouais. Donc, comme ça, vous étiez aussi un enquêteur. Oh oui, mais c'était il y a bien longtemps, c'était il y a plus de 30 ans de ça, vous savez. Et du coup... Pardon ? Et donc c'était un antipoli. Oui. En antipoli, pardon. Antipoli, oui. Oui, d'ailleurs. Désolé. Il n'y a pas de souci. Je mélange pantapoli et antipoli. Du coup, de tout ce que vous avez entendu sur cette histoire, est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous auriez retenues qui pourraient être... nous être utile comme ça en tant qu'enquêteur d'un enquêteur à l'autre. J'aimerais beaucoup que ce soit le cas, mais vous savez, je vous l'ai dit, les gens parlent comme une légende. Ça dit pas des choses intéressantes, les gens, quand ça parle de légende, ça raconte des histoires, ça lui attribue des choses qu'il n'a même pas fait. Écoutez, monsieur, oui. Je pense que nous serons amenés peut-être à nous revoir. Je pense que à l'avenir, si jamais vous entendiez des choses qui pourraient nous être utiles en tant qu'enquêteur, hein, essayez de nous faire parvenir un message. De façon active, hein. Je suis aujourd'hui. Je sais, mais enquêteur un jour, enquêteur toujours. Hein, oui. Ça. Hein, en plus, bon, de là, dans votre combat que vous menez. Oui, d'ailleurs, l'information est importante. J'aimerais en savoir plus sur ce que vous avez parlé. Le fracas, qu'est-ce donc que vous écoutez ? Mais bien sûr, mais je vous l'ai dit, le fracas, c'est force armée contre l'armée vicieuse. Et c'est parce que l'armée, malheureusement, est corrompue et surtout dangereuse. Il y a une hypocrisie à l'heure actuelle. Mais, attendez, vous avez dit que c'est bien fracas. Oui. Mais où est le V de vicieux ? Fakas, F, comme fantôme. Ce serait pas sournoise par hasard. Oh mon dieu, on remarque qu'il y a un problème dans notre nom, mais je vous prie, ce n'est pas le sujet. On peut-être un peu trop bu le soir où on a fait le nom, ok, ouais, c'était difficile dans les premières générations, les premières années, on était vraiment sans le sou, ok, on ne juge pas, s'il vous plaît. Force armée contre l'armée, contre l'armée. Oui, contre l'armée vicieuse, du coup. Fagave, si vous préférez. Oh merde, tout ce que j'ai. Les jolies tenues qu'on a faites, regardez. Ces tags. Mais oui, oh merde. Mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Bon, pas grave. Ce que je voulais vous dire, c'est que. Hugo, il vient de révolutionner le mouvement. L'armée, elle a un véritable problème, c'est que c'est totalement hypocrite, en fait. Aujourd'hui, nous avons de jolis discours qui sont faits en mode, voilà, on ne veut plus recréer la guerre, etc. Les armées sont toujours bien en place. Et surtout, on le sait, les armées financent des attaques, si, là, notamment contre le Lance. Quand, hein, je vous en ai parlé, les marches mongoles. Hein, l'antipoli, là, ça les arrange bien, bizarrement. Hein. Et puis, ennemi un jour, ennemi toujours. Et là, aujourd'hui, il va faire croire que tout va bien. Je pense que tant que les armées sont en place dans les empires, il y a un grand danger pour l'avenir de la toile. Et donc, votre projet à vous, c'est de désarmer entièrement la toile. Je pense qu'il ne faut pas plus qu'un minimum de défense. Comme à Venise, quelques milices qui ne sont pas capables de mener des attaques contre d'autres pays, mais qui sont capables de défendre la ville si jamais il y a des attaques. Je pense que le corps armé, par contre, est en trop. D'accord. Et donc, vous êtes tous pour la plupart des vétérans. C'est pour ça que vous êtes arrivés donc. Tous les quatre des vétérans, mais aujourd'hui, la facave. Non, ceci est la tête pensante, si vous préférez. Puis nous sommes les quatre échassiers du groupe. Vous avez demandé à parler des échassiers. J'aurais pu vous ramener un ancien cartographe, et il me semble que ce n'était pas votre volonté. Tout à fait. Donc voilà, nous sommes les échassiers. Mais le groupe prend de l'ampleur. Rien que ce n'est pas encore très populaire comme mouvement. Il faut dire qu'à Venise, les gens ne sont pas très intéressés par la poétique. À Venise, on a un peu du mal à se faire entendre, mais on a un mouvement d'antipoli qui marche bien. Vous êtes un peu la branche d'un mouvement qui est plus développé en antipoli, c'est ça? Si j'ai bien compris. C'est ça. C'est effectivement ça. Le mouvement existe en antipoli, en pantapoli aussi. Là, actuellement, une nouvelle branche vient de se lancer au Gloriana. On prend petit à petit la toile. Et sinon, nous discutons. Quel est votre nom, cher monsieur? Oui. Oh, mais bien entendu. Attention, sous les mots. Pas d'erreur. Pas d'erreur. Est-ce que vous voulez mon nom militaire ou mon nom civil? Les deux. Ça ne m'arrange pas. Bon, j'aimerais terminer cette conversation. Alors arrêtez d'embêter la conteuse, s'il vous plaît. Parce que moi aussi, je vais me barrer. Donc arrêtez de la gêner. Bon, quel est le nom là, avec lequel nous aurions plus de facilité à vous retrouver? Non, votre nom, votre blase à vous, là. Hein, comme ça, je vous mets en contact et puis c'est terminé. On s'en va. Il n'y a rien qui va. Mais non. Attends, le nom militaire, c'est... Attends, monsieur... Genre, c'est son surnom. Ouais, c'est un surnom, ouais. Donc oui, le nom avec lequel on vous retrouvera le plus facilement. Voilà. Exactement. Ça, c'est une bonne réponse. J'aime beaucoup. Merci de m'aider. je cherche juste un prénom sympa parce que j'ai des noms de famille, mais j'ai pas de prénom. Ah ouais, ok. Allez. Ça, c'était encore un contact. C'était pas prévu, tu vois. Genre... Ouais, bon, c'était un gars, un PNJ de merde, déjà. Je ton nom, ton blaze. Qu'on va encore utiliser. Je m'appelle Tobias Schroben. Tobias Schroben. Alors, c'est qui comment, Schroben? Schroben. Eh bien, je ne vous l'écris pas parce que ça ferait des ressources, mais vous le saurez. Allez, j'écris comme Schroben. Voilà. Ça s'écrit okay. Grand Tobias, R-I-C-H-A-R. Bon. Eh bien, Tobias, je vous remercie d'être venu avec vos camarades. Hélas, comme vous le dites, les informations que nous voulions trouver avec vous ne s'avèrent pas être intéressantes pour nous. Mais sachez que je ferai probablement appel à vous avec votre réseau des facaves pour peut-être nous aider dans des enquêtes ultérieures. Soutenez-nous. Eh bien, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis bon courage. Et n'hésitez pas à remercier Elsa de notre part si jamais vous l'avez. Oui, tiens, et Elsa, elle fait partie donc de ah, notre groupe. Non, non, elle fait partie du. Du genre de soutien au bar de la ville. Non, mais je l'ai rencontré une fois au FSB. Bar, elle était sympathique. Le FSB. On s'est connu comme ça. Voilà. Vous quittez la pièce. Voilà. Et en partant, vous pensez à faire signe à la dame qui gère le. Bergiste. Le bâtiment, quoi. Oui, voilà, le bergiste. Et plus avant, vous lui faites un signe pour dire, voilà, vous êtes parti. Et du coup, d'ailleurs, cet endroit. Petite question, vas-y. Le quartier s'appelait comment déjà? J'ai pas noté le nom. Le quartier de l'arbre. Ouais, le quartier de l'arbre. Ah, de l'arbre, d'accord, tout simplement. Ouais. Voilà. Et là, c'est encore le moment où Cornelia dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ici? Encore du temps perdu. Et ben moi, je sais. Alors, c'est du temps perdu, mais bon, je dis ça une fois qu'on est sorti. Mais je vous signale quand même qu'on vient de tomber sur un mouvement subversif, pacifiste, inter-cité, qui prône le désarmement de notre glorieuse cité, de nos glorieux états. Bon, je pense qu'il est urgent d'adresser un rapport tout de suite au ministère de la propagande. Peut-être pas tout de suite, mais un rapport au ministère de la propagande pour dénoncer ces éléments subversifs et entraîner une enquête au plus vite sur ce groupement de vétérans complètement dangereux et possiblement critiques quant à l'ordre public. Et voilà. Ouais, enfin, dangereux, ils savent même pas écrire leur prénom correctement. Ah, mais écoute, d'autant plus que nous sommes la cellule inter-empire, nous sommes face à un mouvement intercité, inter-empire. Moi, je pense que c'est préoccupant. Voilà. Kornilov est tout à fait d'accord avec toi. Je suis d'accord, en effet. Je suis dans le camp pour la sûreté de notre ville. En tout cas, on dit tout ça pendant qu'on marche vers... Oui. Voilà. D'ailleurs, sait-on vraiment où l'on va, puisqu'on sait... Est-ce qu'on sait où est Daniel Munoz? Vous ne savez pas, mais... Donc on avance. Allons trouver Daniel Munoz. Les gars, on va où? Je ne sais pas du tout. Bah, normalement, vous avez une idée de comment trouver quelqu'un que vous cherchez, ce genre de choses. Il faut aller demander à Clint, c'est lui qui gère le festival, donc il sait où son invité est. Bah alors, il faut demander à la secrétaire, parce que Clint, je pense qu'il sait rien du tout. Il faut aller voir la secrétaire. Et puis, pour Clint, on l'a tellement martyrisé aussi, on peut le laisser souffler. Non, on peut aller voir la secrétaire et lui demander où est-ce qu'il loge, Daniel Munoz. Okay. Est-ce que je vous laisse converser un peu sur ce que vous faites de ce groupe de dangereux terroristes pacifistes? Pour l'instant, moi, ça ne me dérange pas. Et à la limite, ils peuvent peut-être avoir Enfin, ça peut être un réseau alternatif en sachant que... Vous vous rendez pas compte de tout ce qui peut arriver s'ils arrivent à leur but? Non, mais puis, ça, c'est le chemin, mais c'est comme ça que ça arrive, la radicalisation. Hein, parce que d'abord, on est pacifiste, et ensuite, on fait des émeutes pour la pacification, et puis ensuite, on se balade dans les hauts quartiers, et puis à la fin, c'est l'anarchie. C'est comme ça que ça se passe, monsieur. Hein. Ouais, c'est que d'ailleurs, ils étaient étonnamment cléments envers les métropolites. J'ai quand même. Et justement, je les suspecte de les avoir, que leur volonté était de nous transformer en informateurs au sein du ministère de la propagande pour la rendre. Enfin, franchement, si vraiment ils voulaient faire quelque chose de dangereux, ils seraient beaucoup plus discrets sur leur activité. Non, clairement, ils reçoivent des métropolites en tenue de métropolite, ils leur parlent de leur mouvement. C'est que clairement, ils n'ont rien à cacher. En vrai, plus sérieusement, parce que bon, là, j'étais un peu dans le délire. comment dire, oui, je pense que si, il faut quand même les signaler un point c'est tout, parce que se dire c'est notre boulot, quoi. Alors, que ce soit des bobos, je sais pas quoi, pacifistes, voilà, Enfin, c'est un point c'est tout. À tu partir du crois, moment où tu non, tombes, voilà. tu crois vraiment que nous, on tombe dessus sur des mecs comme ça, on est des tout frais sortis de machin. Tu crois pas que le ministère de la Propagande ne sait pas que ce mouvement existe? Pour moi, je pense que Moi, je ils vais savent faire un très bien que ce rapport. mouvement. Non, tu peux le faire, J'en mais je sais pense rien. Je clairement vais faire un qu'ils savent que ce rapport. mouvement Ouais, existe et qu'ils les prennent pas au j'apporte sérieux. mon annotation à ton rapport pour dire que je confirme tes dires. Non, mais vous pouvez En faire un vrai, moi, rapport. le mec Mais m'avait pas moi. l'air très dangereux. Je voyais qu'il était plus honnête. Il avait pas l'air d'être le genre à, Mais comment dire, à relativement c'est... sournois. Mais par exemple, le simple fait qu'on ne fasse rien, si jamais après il y a quelque chose, ils font quelque chose de De criminel et que répréhensible. c'est relié d'une Non, manière ou mais d'une autre à nous, ça pourrait nous porter préjudice de rien avoir fait là maintenant. on peut le faire, mais je vous dis clairement que pour ma part, je pense que le ministère sait déjà que ce mouvement existe et qu'ils ne le Pas de prennent pas au souci, sérieux mon du frère. tout. Pas de souci. Non, mais c'est pas Non, mais le. là, c'est là, c'est Pardon, oui. Victor qui te parle. Victor, désolé. Oui, non, c'est. Non, mais c'est parce que je sais pas. J'ai oublié qu'on était lundi. Je sais pas, j'ai pas d'excuses. On parlait vraiment de réprimer un mouvement là. Non, C'est de bonnes après, idées. voilà. Je comprends tout à fait la démarche, mais je vous dis simplement que je pense que le ministère est déjà au courant que ce mouvement existe. Voilà. Très bien. Autant que vous parlez, vous arrivez Ouais, voilà. au bâtiment du concert de la photographie. Et donc, il faut que je change de musique. Et oui. Donc, tant Parce qu'on que n'est on n'est pas plus dans arrivé la dans même la pièce, pièce, là, on monte les marches. Donc, on est toujours avec cette non, non, musique. non. C'est quand vous arrivez à la haute ville. Hein. Non, pas celle-là. Voilà. Là, on était encore dans l'ascenseur. Non, là, vous êtes encore en train de marcher. Attention, vous êtes encore en basse ville. Encore en La basse ville. frontière. Encore en basse ville. Hop, haute ville. Bravo. Et donc. On va faire lire en boucle. Voilà. Et donc, vous arrivez au bâtiment du concert de la photographie. Et vous décidez de monter les marches, les mêmes, encore une fois, très très long. Et vous vous dites, putain, c'est essoufflant. Encore une fois, hein, eux, ils ont l'habitude, mais comme c'est vraiment, encore une fois, pas large du tout comme bâtiment, et il est très très très en hauteur. Hein. Et donc, en fait, chaque étage, c'est plus ou moins en fait une seule personne qui y réside. Et donc, c'est très très très très très très beaucoup de marches à monter. Vous arrivez enfin à l'étage de la secrétaire, qui par chance est un étage en dessous de Clint, et vous la voyez vous accueillir. Ah, encore vous. Puis-je vous recevoir enfin, que puis-je faire pour vous aider? Oui, nous aurions Bonjour. quelques... Ben bonjour. Bonjour. Désolé, je n'oublie mes places. Je vous laisse parler, Victor, je vous en prie. Non, allez-y, allez-y, allez-y, je vous laisse la parole, Oh, monsieur Rigaud. monsieur est trop libéral. Merci. Nous venons nous renseigner quant à l'actuel logement de Daniel Munoz, qui doit venir pour le festival du concert de la photographie. Et nous souhaiterions savoir où vous l'avez logé, ou s'il n'est pas à son logement, où nous pourrions le retrouver. Oh, tout à fait, Munoz est arrivé la veille. Vous êtes déjà venu me voir à son propos il y a 2-3 jours, je crois. Peut-être Voilà, ça. il est arrivé hier, on ne savait pas encore s'il devait arriver hier ou aujourd'hui. Par chance, son transport s'est très bien passé, et donc il est arrivé pas plus tard que ce matin. Donc il n'y a pas de souci, je vous donne son adresse. Il est actuellement dans un grand hôtel de la ville. Elle cherche Viteuf dans ses dernières plaques de cire. Voilà, c'est cette adresse-là. Et elle vous donne l'adresse. Que je n'ai pas. Comment ça, vous ne l'avez pas? Vous venez me dire voilà. Mais ce papier est blanc. Mais Comment c'est ça, ce papier? du papier? Alors, Attendez, c'est du café que vous buvez là. Très bien. Vous avez l'adresse. Est-ce que vous en profitez pour demander autre chose ou est-ce que vous la remerciez? On s'en fout, genre, tu nous intéresses pas. Non, mais. Elle a rentré faire son métier, hein. Elle sait que les gens viennent demander des renseignements. On n'a rien d'intéressant. Non, non, okay. C'est passé une excellente journée. Okay. Elle te renvoie le bon mot. Et donc, vous vous rendez du coup à cette adresse qui se trouve vraiment en très haute ville pour le coup. Et au point que c'est quasiment un endroit où vous n'êtes jamais allé jusqu'à présent, puisqu'on est vraiment dans le quartier vraiment très très huppé, mais vraiment c'est là qu'il y a les plus hauts personnes des concernes, les plus hautes personnes des loges. C'est là en fait, non pas que résident les doges, mais c'est là qu'ils retrouvent leurs invités. Je rappelle que les doges, c'est les grands maîtres de la ville qui dirigent chacune des loges pendant une année. Des loges artistiques, bien entendu, de Venise. Donc la loge du masque, la loge de la note, etc. etc. Les quatre arts principaux. Et juste petite donc, question. Oui. Ça, ouais, c'est un fonctionnement qui est propre exclusivement à Venise. Ouais. C'est l'artistocratie. Exactement. C'est exactement ça. C'est uniquement l'artistocratie. Les autres ne fonctionnent pas comme ça. Mais c'est pour ça d'ailleurs que, comme je l'ai expliqué à la dernière session, ou il y a deux sessions, je ne sais plus, mais à Venise, par exemple, il y a moins de ministères, il n'y a pas le ministère de l'urbanisme, etc., parce que ça a été remplacé par ce qu'on appelle la préfecture, hein, qui est gérée par le préfet, qui est lui-même, du coup, sous-jacent avec les doges, etc. Enfin, il y a énormément de pouvoir en place. C'est quelque chose que vous explorerez un peu plus dans la prochaine geste. Mais voilà, du coup, je vous donne quelques indications sur comment ça fonctionne et sur, voilà, pour vous donner vraiment indication de quel genre de quartier, c'est qu'on est vraiment sur les hauts dirigeants, vraiment les trucs vraiment. Voilà, on n'invite pas là, même des grands métropolites comme vous, vous n'y êtes pas invité. Moi, je suis jamais allé plus jeune. Toi, tu connais effectivement quand même, c'est vrai, excuse-moi, c'est vrai que tu connais parce que voilà, il y a ta famille dedans, il y a quand même des grands artistes, etc. C'est un quartier que tu connais, mais même ta famille, tu vois, c'est pas non plus un endroit qu'elle va y passer. Tu vois, c'est quand elle est invitée, c'est pour une soirée, c'est pour un gala. Voilà, c'est ça. Je suis allé un petit peu, mais genre un petit peu, quoi. Ouais, exactement. Voilà, ça c'est ce genre de quartier. Donc vous rendez à l'hôtel. L'hôtel est immense. Je sais pas si vous vous souvenez de la description de la loge des antiquaires, cet énorme bâtiment qui prend énormément de place sur la largeur. Là, c'est exactement la même chose, mais c'est juste un énorme hôtel avec des ornements. Vraiment, vous sentez, c'est le bâtiment qui peut se permettre à utiliser du matériel pour paraître bien. Et donc, du coup, voilà, il y a des ornements, il y a même des petites gravures, des petites sculptures ci et là qui entourent le bâtiment. Et on est vraiment dans quelque chose de très huppé. C'est-à-dire que là, tous les gens que vous croisez sont vraiment en tenue intégrale, haute forme, etc. Voilà, on est vraiment dans la sphère. Et vous savez que, de toute façon, les gens que vous croisez sont des gens qui sont en train de gérer des choses. Voilà, c'est des grands bourgeois des concernes, c'est des grands maîtres de loge. Voilà, c'est ce genre de personnes que vous croisez, donc très, très huppées. Et vous vous rendez à la réception de l'hôtel. Énorme réception. Encore une fois, l'entrée, c'est... Tout est grand, hein. De toute façon, plus vous rentrez chez les gens qui ont de l'argent, et plus il y a énormément d'espace qui est perdu volontairement pour montrer que nous, on peut. Et donc, voilà, c'est une énorme salle de réception très grande. Hein. C'est une espèce d'antichambre gigantesque dans laquelle vous êtes accueilli par une femme très bien habillée, etc. Bonjour. Que puis-je pour vous ? Bonjour. Nous aimerions rencontrer Monsieur Daniel Munoz, s'il vous plaît. Nous sommes ici pour une affaire. Oui, nous travaillons pour le ministère de la Propagande. Oui, je reconnais vos insignes. Eh bien, pas de souci. Voulez-vous monter dans ces quartiers ou je vous le fais parvenir à vous ? Oh, peut-être prévenez-le. Nous sommes civilisés, après tout. C'est très bien, nous sommes. Nous sommes des bons connards, après tout. nous allons vous mettre en contact. N'hésitez pas à prendre du bon temps. Installez-vous. Il y a quelques petits fauteuils en peau d'albâtre juste ici. Je pourrais bien une bouteille d'absinthe, moi. D'absinthe ? Cette boisson pour pauvres, oh mon dieu. Écoute, ah, sinon fait péter whisky, mais bon. Nous n'avons pas ça. Bref, vous attendez un peu et effectivement, vous êtes dans cette énorme antichambre gigantesque. Et voilà, ils vous font attendre un peu. Vous voyez, quelques personnes passées, tous très bien habillés, tous vraiment. Bon, vous savez que de toute façon, tous les gens qui vont ici sont des gens nés dans le pourpre, comme on dit dans le monde des crimes. Donc, voilà, c'est vraiment. Pour ceux qui ont du mal avec la haute société, c'est un peu difficile. Pour ceux qui aiment bien ça. Ça, vous êtes vraiment bien. C'est parce que là, vous n'êtes pas juste en haute société. Là, vous savez, vous êtes avec les gens qui ont réussi. Les gens qui ont tout donné dans leur vie pour réussir. Ouais, ça, c'est ça, ouais. Des grands hommes. Ouais. Il y a Victor qui va venir me contredire. Tu sais. Écoute-moi bien, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Victor en rébellion contre la narration. Non, mais bon. Voilà. C'est des parvenus. C'est des gens qui. Ce sont des chevaliers d'industrie, si tu veux utiliser un terme venu du 18e. Quoi qu'il en soit, au bout de 10 minutes... d'ailleurs, avant de vous le faire venir, j'ai failli oublier, je vais demander à... Malheureusement, non, ce n'est pas ce qu'a dit le hasard. Ça sera pour la prochaine fois. Craig. Craig. Je vais demander à Esther quelles sont ses émotions, ses sentiments, son fort intérieur, ses émois. Dis-moi comment tu te sens. Je dirais que cette journée de repos m'a fait le plus grand bien. Mmh. Finalement, étonnamment, j'appréhende pas mal, mais je me sens presque soulagé à l'idée de me dire que d'ici 2 jours, on sera relativement fixé sur cette affaire, en tout cas qu'il va y avoir un grand pas en avant, puisque j'ai un peu l'impression que, perpétuellement on pataugeait un petit peu, enfin on avait toujours des pistes, mais ça n'a jamais été flagrant, on s'est jamais senti à deux doigts de le coincer ou de le démasquer, ni quoi que ce soit. Donc c'est un feeling qui est assez étrange, puisque a priori on n'est pas proche d'y arriver non plus, mais au moins les choses ont bougé au final. C'est parfait. Après. C'est parfait. Et alors que voilà, tu t'es confié à nous, et merci beaucoup de t'être confié, voici l'arrivée du coup de Munoz. Décrire Munoz, c'est un homme très fin, très grand pour le coup. Il doit faire bien. J'ai oublié. Le maître, c'est le pain, hein, qu'on avait dit. Le pain, oui, je crois. C'est... Ouais, ça doit être ça, je ne sais plus. Le pain, oui, je crois ça. Mais... Ouais, bon. Il doit bien faire du coup 2 pas d'auteur. Et... Il est... Bon, très bien habillé sur lui. Un petit monocle, d'ailleurs, à l'œil, hein, droit. Des cheveux très courts et une moustache très taillée, très fine, un peu qui revient sur elle-même. Et lorsqu'il vous voit, il lève son chapeau. Messieurs, dames. Bien le bonjour, monsieur Munoz. Tout d'abord, veuillez savoir que c'est un honneur pour nous, à titre personnel, de pouvoir parler à un aussi grand artiste, aussi réputé que vous. Et je vous prie. Nous sommes personnellement des grands admirateurs de vos travaux, que même si nous n'avons plus que plus, même si nous n'avons que plus, même si nous avons seulement pu en voir des photographies, je pense que nous pouvons dire sans ceci que vous êtes un des grands de ce monde, du moins celui qui concerne l'architecture, et nous sommes très honorés de votre présence. À Venise pour le festival du concert de la photographie. Eh bien, votre mot me touche bien particulièrement. Que puis-je pour vous ? Malheureusement, ce n'est point pour parler de voûte en ogive ou que sais-je que nous sommes ici, mais bien pour aborder... Le sujet d'une enquête que nous menons car vous n'avez sans doute pas, pas remarqué que nous sommes métropolites et nous sommes actuellement en mission. Nous aurions quelques questions à vous poser dans le cadre d'une enquête. Mais bien sûr, je suis prêt à coopérer autant qu'il est nécessaire. Alors que Kornilov sort ses notes et les étale à la face de Munoz. Bonjour, monsieur Munoz. Voici toutes les questions. Remplis ce formulaire. Dites-moi donc, je ferai de mon mieux pour être pertinent à votre travail. Et là, je me tourne vers Kornilov. Et je me tourne vers Kornilov. On a répondu. Esther a pas voté. Hein. Tout d'abord, je me permets de vous demander donc. Depuis combien de temps avez-vous, enfin, quand avez-vous abordé pour donc tenir, enfin, cette place d'invité d'honneur au festival du concert de la photographie de Venise? Il me semble que c'était pas plus tard qu'il y a une teinte, je crois, de cela. Vous savez, l'organisation, ce genre de choses. Peut être un peu compliqué pour certains et on m'a contacté un peu sur le tard, mais malgré tout j'ai pu me rendre disponible pour honorer la fête de ma présence. C'est le baron Eklind qui vous a invité? Oui, bien entendu. Ok. Vous êtes déjà venu auparavant à Venise? Ou c'est la première fois? Vous savez, j'ai parcouru durant ma vie absolument toutes les cités de la toile. Ce n'est pas la première fois que je viens à Venise. Étant architecte, j'ai dû me poser des questions d'architecture, de culture et ce genre de choses. Mm-hmm. Donc, j'ai parcouru beaucoup de cités. Venise, je l'ai rencontré 3 à 4 fois, je pense, durant ma vie, durant des petits séjours comme celui-ci. Je viens jamais plus d'une lune, en tout cas. Et c'était quand la dernière fois que vous êtes venu? Ça remonte maintenant, il y a quelques années. Il y a bien 3-4 ans de cela, je crois. D'accord, Vous êtes resté combien de temps à peu près Je ne me rappelle plus. C'était il y a 4 ans. J'étais venu à quelle occasion? Il me semble que j'avais été invité pour un gala d'honneur. J'ai dû rester, je pense, une quinzaine de jours. Propos de quoi le gala? Oh, c'était un gala organisé par le. Ce n'était pas un concert, il me semble que c'était une loge. Oui, les loges gouvernementales de votre cité. Je m'excuse, j'ai perdu le nom de leur fonction. Mais ces loges avaient. Ils nous avaient invités, il y avait la présence du préfet, c'était une discussion du coup, autour des mouvements, notamment architecturaux de la ville, mais aussi artistiques. Peut-être avez-vous discuté des somptueux palais des doges, des somptueux palais des doges que nous avons le plaisir de posséder. Effectivement, les doges, ce sont eux qui avaient organisé ce gala. Vous savez, de magnifiques personnes qui ont un sens particulier de l'art. Hein. C'est nécessaire, hein, bien entendu, pour eux. Et qui possèdent de magnifiques palais. Et qui possèdent de magnifiques palais. Et au cours de ces 15 jours, auriez-vous peut-être profité, je ne sais pas, des spectacles ou pièces de théâtre qui ont pu se jouer à ce moment-là? Je n'aime guère Excusez-moi un peu le mot, mais je n'aime guère grottir le palais lorsque je visite une ville. Je passe peu de temps à m'amuser de spectacles. J'étudie mon domaine, l'architecture. Je rencontre des personnes importantes dans ce domaine, ce genre de choses. C'est pour ça que c'est fini dans la galère. Mais peut-être avez-vous eu le plaisir de visiter tout de même, lors d'une représentation, le magnifique Théâtre du Masque. Je ne sais pas si... Je vous en recommande d'aller au moins une fois à une pièce, même si c'est pour aller au poulailler, et de pouvoir constater les magnifiques moulures et la magnifique scène que... Oh, mais je connais très bien ce... Je connais très bien ce théâtre. Sachez que j'ai participé à ses rénovations en 1124, il me semble. Je n'ai jamais vu une pièce, mais je prends votre recommandation. J'ai surtout pas y rentrer pour des raisons architecturales, mais si un jour vous considérez que cela vaut le coup, je vous prends au mot. Et donc, peut-être lors que vous avez visité le Théâtre du Masque, auriez-vous, parlé par le plus grand des hasards avec un acteur dénommé Photius. Photius, Isa Omboras. Veuillez m'excuser. Bien joué, bien joué. Eh bien non, ce nom ne me dit rien. Et peut-être que la personne dénommée... Veuillez m'excuser, je cherche encore quelques... Je comprends, il n'est pas évident de retenir tous les noms. Qu'en est-il de Roland Bonnet, un dramaturge, lui aussi travaillant au théâtre du Masque? Je ne crois pas l'avoir rencontré. Il se peut que ma mémoire me joue des tours, vous savez. Je rencontre énormément de dramaturges et ce genre de choses lors de mes arrivées en ville. Pour vous faire sa description, c'est un homme, ma foi, plutôt jeune, avec une longue chevelure blonde, si je me souviens bien. Eh bien... Et bon, peut-être bien. En tout cas, il ne m'a pas spécialement marqué, mais... Un Auguste Vacher. Oui, il est actuellement à Paris pour l'exposition universelle. Je connais plutôt bien Monsieur Vachet, directeur de théâtre d'un certain renom. Il passe souvent à Paris, ma ville, afin de nous donner quelques pièces de son génie inventif. Je l'ai rencontré quelques fois, oui, un homme très charmant. Abby, vous connaissez Abby? Abby Creed. Eh bien, Abby Creed. Je ne crois pas que ce nom résonne en moi. Comme dit, j'ai rencontré énormément de gens. Je suis désolé, je ne peux pas me souvenir de tous les noms que je rencontre. Oui, j'imagine. Et nous en serons désolés, mais nous allons surtout faire ceci, et nous allons vous donner beaucoup de noms, alors... Alors vous allez faire des efforts. Théana Fautinelli, ça vous dit quelque chose? Aucunement, non. Elle voyageait pourtant beaucoup. Beaucoup pourtant. J'ai inversé les deux. Bailey Robert. Eh bien, à vrai dire... Surtout la liste de noms que vous avez donné sur la suite, je n'en connaîtrai aucun. Vous avez parlé au futur ? Il anticipe, il anticipe. C'est un ovni, j'ai un devin ! C'est incroyable. Je viens de faire du direct indirect. C'est une histoire pour gagner du temps. J'allais continuer parce que j'ai pas compris. Non, mais je trop. Ben voilà. Je suis désolé, j'aimerais vous aider plus que ça, mais Ce sont des noms, en plus, qui ne sont pas non plus très résonnants. Nous ne parlons pas de personnes de la très haute importance que j'aurais pu rencontrer, je suis désolé. Mais il y en avait une, c'était une diplomate. Bon, très bien. Eh bien, j'ai pas plus de questions pour vous, mis à part si mes collègues veulent vous poser des questions. Pour moi, c'est bon. Voilà. Avez-vous... Ah, pardon. Non, allez-y, je vous en prie, Victor. Cornelius. Où est-ce que vous serez est-ce que vous... bon, au festival, est-ce que vous aurez un endroit fixe ou est-ce que vous vous baladerez par-ci, par-là? À vrai dire, j'ai un emploi du temps, comme je pense toute personne importante à donner. Je sais que je partage une partie de mon emploi du temps avec celui de Monsieur Clint. Pardon ? Allez-y. Je veux tout l'emploi du temps, vous me le... Bah, très bien. Faites-le nous parvenir, même s'il faut, il vous faut une plaque, mais dites-le nous oralement ou faites-le nous parvenir. C'est extrêmement important. Je m'en suis. J'en ai connaissance, donc je peux vous le dire si vous le souhaitez. Je serai absent jusqu'à 9h20. Je sais que. La cérémonie commence à 9h, je crois, avec Monsieur Clint qui fait son discours. Moi, je suis prévu à 9h20, histoire de faire ma réception, tout simplement. Donc, de 9h20 à 11h... N'allez pas aussi vite, je vous prie. Pouvez-vous reprendre depuis le début? Nous le notons. Oui. Oui. Mon stylo mental est très lent. C'est clair? Reprenez. Il n'y a pas de souci. J'arrive donc là-bas à 9h20, pour être précis. 9h30 ou 9h20, soyez précis. 9h20, c'est l'heure c'est que sûr. Nous m'avons... Sûr et certain, c'est l'heure qu'on m'a indiqué. Très bien. Voilà. De 9h20 à 11h, je fais partie de la cérémonie de réception des invités d'honneur. Très bien. Je participe avec Monsieur Clint de 11h à midi à la participation au petit salon artistique de Venise de cette année. Il y a répété, donc... Il n'y a pas de souci. De 11h à midi, je participe au petit salon artistique de Venise de 1131. De midi à 14h, j'ai le repas solennel. C'est le repas avec Monsieur Clint et les autres invités d'honneur. Ouais. Donc de midi à 14h, j'ai le repas solennel. Et de 14h à 16h, j'ai ma dernière activité avec Monsieur Clint jusqu'au repas du soir, qui est la participation au salon de l'éventail de la photographie. De 1131. Donc, de 14h à 16h, je participe au salon de l'éventail de la photographie de 1131. Dans la guilde de l'éventail ? Je ne sais guère, je ne connais pas vraiment ces milieux-là de votre ville, mais si ça porte le nom de l'éventail, tu penses que oui. Salon de l'éventail pour le salon, oui. Pour la fête de la photographie. C'est ça, c'est le salon de l'éventail de la photographie. Ok. Et là, quelque chose me dit que, mais ça c'est dans ma tête, que s'il va au salon d'éventail avec Clint, ce serait bien de peut-être aller causer avec machin de l'éventail là. Torf. Hein? Torf. Ouais. D'une manière ou d'une autre, qu'on aille, parce que peut-être qu'il sait des choses sur Clint. Ça veut dire qu'il va falloir revoir encore une fois émerger Torvik, Kianti, Isabelle et sa Flora, Grigori, Yefimovic et Euclidenacé Palarius. Il sort quand même l'éventail et ils vont à l'éventail. C'est vrai ça. Et on sait que le Torp, il est pas tout clean, tu vois. Donc il doit avoir quand même un réseau, des choses à, tu vois. Peut-être que cette personne-là, sans le savoir, a peut-être rencontré tous ceux de la liste de Kornilov. Pour la suite de 16h à 18h05, je retourne à mes quartiers, ici même. J'ai droit à un peu de repos avant la soirée des exceptionnels. À résidence. Et après, c'est la soirée des... Des exceptionnels, tout à fait, avec l'après-soirée, vous savez, à 18h05, le repas à 20h et la soirée en elle-même de 22h à 1h. Donc la soirée a lieu jusqu'à... Jusqu'à 1h. À partir de 18h05. Donc. Tout à fait. Ok. Donc, nous irons revoir aussi Monsieur Clint pour qu'il nous procure sa version de l'emploi du temps à lui. Oh, mais c'est à tout bien votre honneur. Oui, je m'adresse à mes collègues, bien sûr. Mais... Genre, il dit ça... ouais, bien sûr, pour avoir la véracité de votre planning, nous allons... On va voir si vous nous mentez. Ouais. Voilà. Parce que les architectes. Hein. Ben, honnêtement, je pense qu'on va pas avoir grand chose de plus avec lui parce qu'il a l'air d'être genre un ermite. À part si tu lui parles d'architecture, il va pas nous parler grand chose. C'est important. Moi, je serais bien. Attendez. J'ai une question. Oui. Monsieur. Munoz, avez-vous, depuis votre arrivée à Venise, ou même avant, lorsque vous étiez en Antapoli, remarqué d'étranges choses? Des choses qui ne semblaient pas être normales, qu'importe. Des espèces de... Peut-être, je ne sais pas, des choses déposées devant votre porte. C'était... Je me tourne vers mes collègues. Des bougies, c'est ça? Qu'est-ce que... De la bougies fondues. Des bougies fondues, notamment, peut-être, ce genre de choses. De la cire fondue. Des messages signés anonymement. Non, rien de cela. La chose la plus bizarre qui soit, c'est qu'on a oublié de me donner mon repas lors de mon voyage, mais mis à part cela, je n'ai guère de choses spéciales à signaler. Non. Moi, j'ai juste envie de me barrer, en fait, en vrai. Cet homme me donne de l'urticaire. Il faut dire que le petit personnel aujourd'hui. Oh oui. Ouais, ouais. Je comprends le stress, ce genre de choses. Oh, mais vous savez que. C'est partie intégrante de leur travail, à point, c'est tout. Et si jamais il n'est pas exécuté, je veux dire, ils peuvent aller faire le. Si vous voulez, on peut vous laisser en charge avec mon camarade Hugo qui vous suivra pendant tout le séjour. Il n'y a pas de problème. Hein. Oh. Je pense que même lui sera ravi de passer un séjour avec vous. Je le comprends. Quoi qu'il en soit... Je pense que nous allons vous laisser vous reposer. Vous avez dû avoir quand même un voyage plutôt long et harassant. Vous avez besoin de vous reposer. Sans nourriture, sans collation. Incroyable. Les facilités. Je vous remercie pour vos réponses. Et vous souhaite un agréable séjour à Venise. Si jamais vous avez quoi que ce soit, vous pouvez nous adresser à nous et vous nous retrouverez Bien sûr, je vais vous donner l'indication très exacte de l'endroit où nous sommes le plus souvent, car on nous a fait remarquer très récemment qu'il était très difficile de nous retrouver. Donc, je vous donne exactement l'emplacement. Ça, on est sûr. D'accord. Vous le notez ? C'est bien gentil de votre part. Je le note dans... mentalement. Très bien. Mentalement, c'est-à-dire je le note pas, en fait. J'en ai rien si, mais... Non mais si, mais dans cet univers noter mentalement est la norme, donc ouais les gens ont une mémoire exceptionnelle dans, ce n'est pas les mémoriels Mais du coup on s'en va, je pense. Oui, vous pouvez vous en aller, je ne vous retiens pas plus longtemps. C'est marrant, on fait une scène, une personne qui est très gênée dans ce milieu qui a envie de partir. Et il reste encore deux scènes. Et avant de partir, je vais demander du coup les sentiments, les émotions, le fort intérieur de Victor. Ah. Eh bien, avant déjà de rencontrer Monsieur Munoz et le fait d'arriver dans cette partie de la ville, j'étais déjà, fort. Gêné, enfin j'étais mal à l'aise. Je déteste foncièrement cet endroit de la ville parce qu'il représente tout ce que je déteste, la vanité, le fait de marcher sur les autres, hein, clairement. Et depuis, et encore plus après avoir rencontré Daniel Munoz, là j'ai vraiment eu la caricature de des gens que je déteste le plus, c'est-à-dire des gens qui se croient supérieurs aux autres, quoi, tout clairement. Donc moi dès que je l'ai vu, j'avais juste envie de me barrer, en fait, en vrai. Mais bon. L'enquête veut que voilà, mais bon, selon moi, cette personne n'a pas besoin d'être sauvée parce qu'il lui arrivera rien du tout, et qu'il y a d'autres gens à sauver. Donc, je suis ravi de quitter cet endroit. Parfait. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour t'être confié à nous. Vous quittez cette charmante personne et je vous pose la question, du coup, que souhaitez-vous faire immédiatement? Si vous n'avez pas forcément d'idée, on peut en discuter, le temps peut passer. Alors, j'aimerais discuter avec mes camarades et faire rappeler que c'est pas la première fois que le nom de l'éventail revient. Et notamment avec Clint, à chaque fois qu'on parle de l'éventail, il y a Clint qui revient dans l'histoire. Ouais, c'est parce que au festival de Clint. Oui, voilà. Et du coup, j'imagine que cette personne de l'éventail, Monsieur Thorpe, a un réseau qui est quand même assez important au final, et que il côtoie les plus hautes sphères quand même de la ville, mais à la fois il est aussi quand même un vieux roublard, un fourbe. Il a un réseau d'informations qui a l'air d'être assez important, donc ça vaudrait peut-être le coup de remettre en route nos identités parallèles et d'aller le retrouver, essayer d'essayer d'avoir des informations sur avec un peu de scotch. Très bien. Voilà. Peut-être d'en apprendre un peu plus, parce qu'il a peut-être connu les gens qui font partie de la liste de notre cher Kornilov. C'est vrai. Je suis prêt. C'est parfait. Merci d'avoir mis votre moustache. Donc, vous décidez d'aller voir... Les deux autres n'ont pas parlé. Ah oui, c'est vrai, d'ailleurs, si quelqu'un d'autre veut intervenir, il y a eu un accord entre deux mondes. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Tu veux pas y aller. Enfin... Non, c'est pas besoin. On veut pas. Non, on en a compris, t'inquiète pas. Du coup, l'idée serait d'aller voir monsieur Harry Thorpe, c'est ça? C'est ouais. Ça. Okay. Très bien. Eh bien, ça tombe bien, cette fois vous avez la personne avec qui il s'entend mieux. On va pouvoir... Yeah. Ok. Vous allez descendre dans la basile. Et pour gérer ça de manière un peu plus réaliste, en fait, vous n'allez pas vraiment y aller ce jour même, le 30. Simplement parce que quand vous allez vous y rendre, le soir, il ne sera pas disponible. Il vous dira de repasser le lendemain. Donc on va passer au lendemain au moment où vous allez avoir une réunion avec lui. Et je vais juste vous demander s'il y avait quelque chose... 24 heures avant. Genre... Exactement. Et... C'est le moment où on sent... Tit, tit, tit. Et avant de passer à ce moment-là, je veux juste savoir, est-ce que vous avez quelque chose... On va pas vraiment passer sur vos côtés vraiment perso. Voilà. Là, on est vraiment dans l'enquête. Est-ce que vous avez eu une autre idée à faire qu'on peut faire rapidement en ellipse? Ou est-ce que face au fait que vous avez eu... Enfin, vous êtes face à quelqu'un qui est pas là, vous avez dit on se revoit demain et on prend une soirée tranquillement. Voilà. C'est ma question. En soi, je pourrais faire mon rapport et l'envoyer au ministère, mais je vais attendre un peu. Pas tout de suite. Okay. Moi, de mon côté, non. Dans ce cas-là, face au fait que vous avez passé énormément de temps à passer en basse vie, etc., bah, vous avez décidé de prendre votre soirée de repos. En vrai, et d'un côté, vous savez que... Oui, ouais, vas-y. J'arrive un peu tard, mais en vrai, je me dis au pire... Non, vas-y. Vu qu'on n'avait pas pris les vélos, je pourrais presque les rassembler et un peu taffer dessus. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Genre, en une soirée, j'ai pas. En fait, j'avais prévu des trucs dessus, mais j'ai pas des trucs faisables en une soirée. Mais enfin, au pire, disons juste que ça se fait quoi. Ouais, tu travailles dessus. Ça, en gros, je prends en compte le fait que tu me l'as dit et quand on fera le point ensemble, ouais, des avancées. Ouais, voilà, parfait. Ouais. Y a pas de souci. Donc, vous êtes décidé de vous retrouver le lendemain. Et voilà, le lendemain, vers la fin de la matinée, encore une fois, vous descendez. En basse ville. En basse ville, allez voir tout simplement notre cher Harry Thorpe, qui se trouve au même endroit que la dernière fois que vous avez cherché le... Pardon, c'est pas de taverne. Si, c'est ça, c'est la taverne de... C'est de la... Hibou, de l'hibou. Le hibou. Ouais. Mais c'est sur le mot taverne que j'ai un doute. Ouais. Mais il me semble que c'est la taverne de l'hibou. Et donc... Vous allez donc vous le retrouver là-bas. Vous êtes tous les quatre sous vos nouvelles identités avec vos petits costumes habituels, de magnifiques moustaches, un comportement différent. Et vous rentrez dans cette taverne. Vous rentrez et il y a pas mal de monde d'ailleurs à cette taverne. Elle est pas mal occupée à l'heure actuelle. Pas mal de gens voilà, en discuter, jouer, etc. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez vous annoncer au bar? Est-ce que vous asseyez une table? Vous attendez qu'il vous rejoigne Sachant que cette fois, il est au courant que vous allez le voir aujourd'hui, contrairement à la première fois. Bon, on peut aller directement sans se présenter. Hein. Dire qu'il nous attend et nous recevoir. Qu'en pensez-vous? Oui. Oui. Hein? Eh bien, parfait. Il y a tout à fait. Eh bien, bonjour, nous sommes ici, nous avons rendez-vous avec Monsieur Thorpe. Tu vois, le barman... Ah oui, bon, c'est pas la première fois, vous... Non, ce n'est pas la première fois. Nous avons eu le plaisir de nous voir plusieurs fois. Et une fois je me plus, souviens un peu de vos visages. Vous n'étiez pas quatre, par contre. Bon, quoi qu'il en soit, allez vous asseoir, je le préviens, il va arriver sous peu. Merci. Ah d'ailleurs, vous consommez quelque chose, peut-être? Je regarde mes camarades. Ah oui, pour sûr, je prendrai une absinthe. Oui, un peu d'absinthe, ça ne serait pas si mal. Eh bien, soit. Une absinthe pour tous les quatre, ou... Voilà. Oui, tout à fait. Les moments sont plus plutôt légers. Oui. Que de ripaille maintenant. Festoyons avec Torte. Eh bien, ça fera deux hurles par personne. Et quand il dit ça, il vous sert quatre verres d'absinthe. Okay. Merci beaucoup. Vous rendez la monnaie sur les liges. Nous n'avons que ça pour payer. Attendez, tu vois qu'il ouvre un peu sa layette. C'était une plaisanterie. Ah, vous me rassurez, ça dépend de combien il y a de clients. Tu vois qu'il re-range la layette dans le bar en dessous de lui. Et du coup, il accepte le paiement. Vous allez vous asseoir. Voilà. Vous allez vous asseoir. Et au bout de 3-4 minutes, vous voyez Torp arriver. Torp qui, pour le coup, petit changement physique, il commence à avoir une petite barbe qui commence à être vraiment présente, mais surtout, voilà, il est pas dans sa tenue de serveur habituel, il est dans sa tenue civile en fait, tout simplement. Et donc, il arrive à vous et s'assoit. Oh, mais mes amis, il y a un problème sur la marchandise ? Absolument pas. Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, c'est franchement, vous avez fait un travail admirable. Ah, vous me rassurez, j'ai cru que je devais faire service client. Bien. Dites-moi, que me vaut alors votre visite ? Eh bien, nous allons, comme vous le savez, participer à ce festival qui nous enchante, qui commence demain, si je ne m'abuse, le festival de la photographie. Vous y serez, non ? Oui, j'y serai. Vous la guide de l'éventail y organise là-bas un petit salon pour l'occasion. Oui, nous avons l'énorme honneur, l'immense honneur de connaître l'hôte de ce festival. Oh, c'est bien, c'est une bonne personne. Vous le connaissez bien ? Non, honnêtement, non, je l'ai jamais rencontré. C'est pas moi qui ai magouillé pour qu'on ait notre petite place là-bas. Ça s'est géré par les personnes un peu mieux placées que moi dans la guide. Vous devriez faire ta rencontre, c'est un sacré personnage. Alors, je veux bien vous croire, mon ami. Et c'est vous qui allez accueillir, si j'ai bien compris. Oh non, moi je vais pas gérer l'accueil de gens que je ne connais même pas. Non, moi je viens y présenter un travail personnel, ma nouvelle œuvre, pour être honnête. Vous faites aussi dans la photographie ? Eh bien, pas jusqu'à aujourd'hui, mais pour l'occasion, j'ai décidé de faire une petite sculpture mêlée à la photographie pour essayer de donner quelque chose. Je vais vous avouer que c'est un peu compliqué, parce que la photographie, j'ai du mal à y voir l'intérêt artistique, mais je m'efforce d'être ouvert d'esprit pour l'occasion. D'accord. Oh, il en va de même dans le théâtre, vous savez, je ne sais absolument pas à quel usage nous pouvons faire de la photographie. Je vous comprends, c'est bien compliqué. À vrai dire, ça reste entre nous, parce qu'ils nous ont invités gentiment, mais oh là là, leurs histoires de photographie comme art. Oh, que c'est barbant! On se comprend bien, l'ami. Vous êtes toujours aussi sympathique. Oh, et vous de même. Croyez-moi, ça me désenchante beaucoup de ne pas avoir pu plus vous rencontrer et de ne nous avoir vu qu'une seule fois. Mais vous n'êtes qu'au début de votre vie, vous inquiétez pas, on aura le temps de se rencontrer, je pense, un homme très intéressant des fois. Vous savez, je suis trouvable très facilement. Excusez-moi de... Oh, mais allez donc. Est-ce que vous connaîtriez des personnes intéressantes qui seront présentes ? J'ai entendu parler qu'il y avait un architecte, par exemple. Un architecte, vous savez, moi je suis là présenter mon œuvre. Dan, quelque chose. Daniel Mulot, je crois. Oui, c'est ça. Il doit venir d'Antipoli, je crois. Le Parisien, ouais, c'est ça, ouais. Ah non, de Pantapoli, oui, vous avez raison. Le Parisien. Mm-hmm. Je le connais parce que les gens sont barbants avec lui, tu vois. Toujours à l'encenser, toujours dire que c'est un génie, qu'il a tout inventé. Enfin, en attendant, les ponts Eiffeliens, c'est pas lui. Je suis complètement d'accord. Il est en même temps estimé. Vous me direz, ces gens qui lèchent les bottes pour gagner quelques misères, ça nous sort par le... Hein ça. Moi, j'aime les gens qui aiment sincèrement l'art. Mais ouais. Ça, je crois que c'est pas vraiment le cas de ces gens-là. Oh, mais tout ça, malheureusement. C'est... D'ailleurs, la musique s'en est même arrêtée, pour vous dire. Elle s'en est même arrêtée, ceci n'est pas du tout normal. Regardez le quatrième mur. Compteur, continuez donc votre joli chant, merci. Mais oui, nous disions voilà. tous ces imposteurs qui prétendent aimer l'art pour faire bonne figure dans la haute société. Mais oui. Alors que je suis dégoûté. Moi, à côté. Je travaille pour la Guilde de l'Éventail, je suis barman ici même, et je crée des œuvres. Oui. Pour moi, ce n'est pas un gagne-pain, c'est une passion, c'est une façon de raconter des choses, d'être en contact avec le monde dans lequel on est, c'est tout. Mais regardez, si vous relevez, je pense que des fois, l'art est muselé volontairement. Regardez ce pauvre, je crois, Photus, qu'on a bâillonné, qu'on a étranglé l'art de la scène qu'il voulait nous montrer. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Peut-être devriez-vous pas vous parler aussi fort. On a entendu un connu, peu parler. Alors, connu, c'est un bien grand mot. On connaît un peu son histoire, parce que... vous savez, les rumeurs, les gens aiment parler. Mais c'est le petit jeune là dont vous me parlez là, le Rhodésien. Ouais. Honnêtement, j'ai jamais rencontré. Je ne sais pas ce qu'il valait. Il jouait dans le théâtre du Masque. Ce n'est pas vraiment le milieu dans lequel je traîne. Apparemment, oui, c'était quelqu'un d'intéressant. J'ai eu le plaisir de voir quelques-unes de ses pièces quand il était au théâtre du Masque et de voir. Son nouvel établissement, le petit théâtre rouge, en basse ville. Ah ouais. Mais du coup, c'est vraiment avéré, c'est vraiment ce qui s'est... Parce qu'il disait des choses, c'est ça, c'est... Comment ça, quelque chose, moi, le simple... Il a été dégoûté du milieu et il s'en est quitté. Il a préféré à donner sa passion aux petites gens. Ce que je vous parle, c'est une rumeur. Hein. Et vous savez, les rumeurs, les gens disent n'importe quoi. Hein, tout le monde le sait. Mais dites toujours, quelle rumeur était-ce donc ? Non. Les rumeurs disaient que Photus avait dit du mal de son patron, là, Vachet. Vachet ? Bon. Ouais. Vachet ? L'illustre Auguste Vachet ? Ouais, l'illustre. Je pense que lui aussi, il ne crée pas forcément par vrai amour de l'art, mais... Ouais, ce type-là, là, il y avait une histoire... je l'ai entendu parler, parce que j'ai une amie qui vivait dans le quartier. Et elle me racontait que les deux s'engueulaient tout le temps, tu vois. À chaque fois que tu passais à côté du théâtre, t'entendais des voix qui s'élevaient. Bon, tu connais le truc. Vous ne connaissez pas ce Vacher pour confirmer ses dires, évidemment. Bah non. Ah oui, bien sûr. C'était juste une question. Oh, ça va. J'aurais une question. Il me semble avoir entendu une histoire intéressante sur un des précédents festivals de la photographie qui avait eu par le passé. Peut-être que vous avez participé à des précédents. Ouais, on essaye de s'inclure un peu. L'année dernière, on n'a pas réussi à avoir notre propre salon, mais on a fait 2-3 stands. On les a bien impressionnés. Oui. Il y a une année où une diplomate, je crois, une Teana Fotinelli, quelque chose du genre. S'il était rendu, cela vous dit quelque chose? Tiens, je me souviens d'elle. Elle était venue à une pièce, justement, au Théâtre du Masque, mais je n'en sais pas plus, à son sujet. Peut-être en savez-vous plus. Voilà, tu me parles dans un langage... une diplomate. C'était une invitée d'honneur ou... déjà, j'ai du mal à me souvenir des invités d'honneur. Il me semble qu'elle était invitée. Eh bien, dans ce cas-là, ça doit être vérifiable. Moi, j'en sais rien, je vous avoue que vraiment, les gens qui sont là m'intéressent pas beaucoup. J'ai même cru comprendre que elle avait disparu après, non? Quelques temps après. C'était un petit bout de temps après, cependant. Oui, c'est tragique. Je ne devrais pas en parler, mais il paraît qu'elle a été assassinée. Oh, sérieux. Attendez. Vous ne dites pas n'importe quoi, là. Non. Oh, je ne dis jamais n'importe quoi, mais tout ce qui se dit ici reste entre nous. Oui, non, parce que moi, je connais les gens qui font le barbeau comme ça, parce qu'ils disent information. Vous êtes sûr de ça? Mais moi, je tiens servi de source sûre. J'ai un ami qui travaille personnellement comme secrétaire au ministère de la propagande. Oh là là, quelle info! Elle aurait été... Et par qui? C'est quoi l'histoire? Vous savez quoi, je vous paye un autre verre. Je vois qu'il fait un geste. Ce n'est pas de refus. Ripaillon en forte joie. On va s'en faire un contact. Vous avez le droit de faire qui vous voulez comme contact. Je vais voir le procédure bientôt. Et j'en fais un contact. Okay. Contact. Je t'envoie les informations. Juste là, il était sur une carte. C'était moi. Mais ouais, du coup, je te laisse continuer. Hein. Racontez-moi l'histoire. Les rumeurs parlent. Enfin, les rumeurs parleraient de l'œuvre masquée. Oh non. Non, j'y crois pas. Non, c'est des conneries, ça. Attends. Moi, je suis dans une guilde. Hein. Ouais, on envoie des vertes et des pas mûres tous les jours, tu vois. Bon, nous, la guilde de l'éventail, on est net. Enfin, vous le savez, on est net. Bien sûr. Enfin. On a marchandé ensemble, on est net. Ouais. Moi, je vais vous dire ce qu'on dit sur le masqué. C'est des conneries, ça. Ça, c'est le ministère de la propagande. Hein. Attends. Quelqu'un qui tuerait comme ça, on n'arriverait pas à l'attraper pendant des années. Ça fait quoi, 5, 6 ans? Non. Non, ça, c'est des conneries. Et la preuve... Julien, si ce serait... Si un secret que ça, ce type-là, ce mec masqué qui tuerait... on le saurait pas. Si ça serait un vrai secret, tout le monde n'aurait pas une idée de ce que c'est, tu vois. Bah, tu vois, quand y a des petits gens qui viennent me voir, qui ont peur de lui, ça me fend le cœur. Une telle manipuler sa population comme ça, ça me... On ne sait pas. C'est un mythe. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus un mythe, c'est une légende. Ça repose sur rien. Eh bien, je ne suis pas d'accord, voyez-vous. Car mon ami au ministère de la propagande, et tout ceci, je le répète à tous mes amis, ne doit sortir en d'aucune façon de cette table. Nous sommes bien d'accord. Oui, tout à fait, évidemment. Eh bien, j'aurais entendu dire que, récemment, vous savez, si on en reparle tout à coup à nouveau, toujours cet ami du ministère de la propagande m'a raconté qu'il aurait à nouveau frappé. Ah, ah bon? Sérieux, Black? Je ne sais pas encore, malencontreusement. Certains parlaient de quelqu'un du milieu du théâtre, mais je n'en sais pas plus. Je n'arrive pas, enfin, de toute façon, je n'est pas à moi de faire ce genre de choses, et je sais que je suis bien trop curieux, et voyez-vous, les rumeurs parleraient même que justement, les personnes de la plus haute société, les personnes les plus hautes passées, et même les personnes, comment dire, qui seraient peut-être conviées, je ne sais pas, par exemple, à vos réceptions, pourraient en être la cible. Eh bien, ça fait peur quand même. C'est-à-dire que nous pourrions tous être une cible. Même vous. Entendu. Même vous, même votre illustre invité, vous devriez redoubler de prudence. Peut-être, je ne sais pas si c'est vous qui vous occupez de ce genre de choses, mais peut-être que la sécurité devrait être renforcée. Ça me paraît... Personnellement, je ne me promène plus seul le soir dans Vadis. C'est bien gentil tout ça, mais je continue à pas y croire cette histoire. Mais pourquoi vous êtes venu me voir d'ailleurs? Vous avez besoin d'un service? Eh bien, nous pensions que vous étiez peut-être proche du baronnet Clint, et nous aurions aimé peut-être faire partie quand il serait là pour au moment de l'éventail. Justement, on a pu comprendre qu'il y avait un événement à l'éventail, si nous pouvions, de par votre fait, bien participer. C'est toujours quelque chose d'exceptionnel de pouvoir être présent à ce genre de festivité, et donc nous aurions espéré que peut-être avec votre soutien, petite invitation. Écoutez, honnêtement, vous êtes des gaillards sympas. Je peux faire ça pour vous, je pense. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. J'ai été touché dès notre première rencontre. Vous avez une sensibilité à l'art. C'est... On s'en rappelle. Pas tout le monde qui l'a. Ouais, oui. Ah, pardon. Quoi? Moi, c'est l'art, mais c'est des connards. Je déteste ça. Eh bien, en tout cas, on vous remercie chaleureusement de nous avoir. Avec plaisir, avec plaisir. Oh. Eh, entre nous, racontez pas trop vos histoires à gauche, à droite. Les gens, ils en ont déjà assez de choses à gérer comme ça. Et puis, ce ne sont que des rumeurs, en grande majorité. Que des rumeurs, évidemment. Mais pas totalement infondées non plus. Ça ne sert à rien de raconter ce genre de choses. Les gens jamais... aiment à fabuler. Hein. C'est plus fort que... Ouais. Que hein. Les gens aiment à raconter des histoires. Après avoir propagé tout ce qu'on savait. Bon, après, plus c'est gros et plus on a envie d'y croire. Ça. Vous saviez que Procedimento nous avait envoyé un papier. D'ailleurs, savez-vous que chez Métropolitain. Les mecs, ils vont trop loin, tu sais, dans les révélations. On va continuer de discuter d'art au plus jeune. Ça arrache la barbe. Oh. Vous le laissez après cette petite conversation et vous sortez de là. Avez-vous un autre plan en tête ou... Malheureusement, là, j'avoue que... C'était terriblement inefficace. Là, c'est ces deux jours ne sont pas très prolifiques, on va dire. J'avais des espoirs, putain, et là, ce n'est pas bon. Eh bien, non... Il n'y a pas de souci, mais comme dit à l'introduction, malheureusement, ces derniers jours, ça a été ce genre de choses, hein, quand même, les enquêtes, vous suivez une piste, et malheureusement, les pistes qui étaient un petit peu à côté de votre piste principale ne donnent pas grand-chose, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez mis de côté là ces pistes-là. Ce qui vous fait au moins confirmer une chose, c'est que, au moins... Vous savez que il n'y a que plus que deux solutions en fait à l'issue de votre route. La première, vous avez suivi la bonne piste, et le 3 de la troisième lune vers D1131, vous saurez comment réagir. La deuxième solution, c'est que vous avez fait complètement fausse route, au point même où que Bah, même les trucs les plus à côté, en fait, vous permettra pas de dériver vers la bonne solution. Il reste encore 3 jours ? 4 jours ? Il reste à l'heure actuelle, puisque nous sommes le 2-3-20, donc il reste 2 jours. Non, nous sommes le 1-3, excuse-moi, je dis n'importe quoi. Nous sommes le 1-3, donc il reste 2 jours. D'accord, c'est... Et donc... c'est pas pourquoi j'avais pas du tout noté ça, mais... Bah oui, moi non plus. Non, bah, non, le 30, il vous restait 3 jours. Hein. Ah oui, bah oui. Ah ouais, on est passé. Ah oui, mais moi j'avais compris 2 jours le 30, je crois. Je sais non, plus. C'était 3. C'était 3, donc le lendemain, nous sommes le 1, il reste 2 jours. Il vous reste le 2-2. Le 2-3, pardon, pour enquêter. Le 3-3, c'est la journée. Pour agir. Et donc, voilà, vous savez que il n'y a que deux, vraiment, deux possibilités maintenant. C'est soit vous êtes totalement sur la mauvaise route, soit vous êtes sur la bonne, mais il vous faut une confirmation ultime et vous espérez qu'elle n'arrive pas trop tard. Okay. Et pendant ce moment d'entre-deux, je vais demander à Hugo de nous partager son fort intérieur, ses émotions, son émoi, tout ça. Nous t'écoutons. Eh ben, Hugo, déjà, il est très satisfait de l'interprétation de son personnage et il s'est trouvé remarquablement bon acteur et il était un peu comment dire il s'autoplate un peu de sa remarquable performance vis-à-vis de Torque de la guilde de l'éventail. Et puis sinon comment dire oui, il y a toujours un peu cette angoisse très intérieure qu'il essaie de pas faire paraître, mais il y a toujours un peu cette horloge au fin fond de l'esprit d'Hugo qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac, et quand il Prodissimento aura frappé, voilà, elle sonnera très très très fort et ça risque de... de mal se passer, voilà. Donc, il est très stressé, mais il essaie pas que ça paraisse. Et, du coup, il se concentre un peu sur des choses qui pourraient être un peu anodines, comme ça, mais qui lui servent à éviter de penser à ce compte à rebours qui a été enclenché depuis que cette note nous a été parvenue chez nous. Voilà. Merci de t'être confié à nous. Nous sommes actuellement le 2 de la troisième lune vers D 1131. Et alors que vous êtes au QG, en début d'après-midi, après avoir passé encore un moment d'études, ce genre de choses, l'attente commence à devenir vraiment... pour le coup, difficile. Vous savez que dès le lendemain, il faudra agir. Dès le lendemain, il faudra que vous soyez efficace. Mais par chance, nous venons toquer à votre porte. Et par chance, enfin, elle est venue. De l'homme que vous attendez depuis si longtemps. Au bout de quelques moments à réfléchir, ça toque à votre porte et vous avez face à vous Alceo qui rentre après que vous l'ayez invité et s'assoit à l'étage au niveau de la table qui vous sert de table de réunion. Il s'assoit. Et bon Jean, où vous en êtes par rapport à votre affaire? J'imagine qu'on peut dire qu'on a on a pu confirmer que notre piste ne menait nulle part. Ah. Je ne suis pas entièrement d'accord. Pour le moment, nous avons pu, même si malheureusement, malencontreusement, à chaque fois, ça n'a pas été avec la même personne, nous avons su établir un lien entre toutes les personnes que nous suspectons être les prochaines victimes du Prodigimento. À chaque fois, nous avons trouvé que telle personne était reliée à une autre personne. Et globalement, même si il aurait été plus clair si jamais tout le monde aurait été une connaissance de près ou de loin de Photius, il me semble que nous avons su établir un lien entre nos quatre principaux potentielles victimes. Mmh. C'est une bonne chose. Qui pourrait donc nous amener à déterminer sur quels critères il Prodigimento sélectionne ses victimes. Très bien. Eh bien... Et de votre côté ? Du mien. Si... N'hésitez pas à me partager, hein, si vous avez des informations. Du mien, j'ai, comme vous l'avez demandé, fouillé longuement dans ce qui se sait, ne se sait pas au ministère. Et j'ai donc fait le tour de tous les noms que vous m'avez donnés. Énormément de noms en plus de ça. Et allez savoir quand un refus est un véritable refus ou quand il s'agit simplement d'une demande de ne pas approfondir. Compris donc sur tous les noms que vous m'avez donné de pas mal de noms, beaucoup m'ont donné absolument aucune piste, malheureusement les cris, les tout ça, ça ne malheureusement rien donné. Et il y a beaucoup de choses qui sont tues à leur part, par contre. J'ai bien compris que ce qui m'était... c'était voilà, des informations qu'on ne voulait pas, auxquelles j'accède. Et j'autorise, du coup, l'hiérarchie de mon rang, bien entendu. Et du coup, voilà, malheureusement, voilà, c'est des choses auxquelles je ne peux pas accéder. Et d'ailleurs, je suspecte même que pour la moitié... ça a même été oublié avec les années, vous savez ce que c'est. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Il y a un nom qui m'a donné quelque chose. Hein. Alors, pour le coup, c'est pas une information à laquelle j'étais censé accéder, mais j'ai pu approfondir un peu la chose. Il y a un nom qui a effectivement, comme vous me l'avez demandé, des affaires dans le chez les métropolites dans le ministère de la propagande, quelque chose, voilà, une affaire interne. Alors je ne sais pas pourquoi son affaire m'était interdite, mais j'ai compris en vue de son identité, vu que ce jeune homme est baronnet, visiblement il semble qu'on évite d'ébruiter certaines informations sur lui. C'est vrai qu'il est en accord avec nous, ça serait un peu malheureux qu'il y a des rumeurs qui courent sur lui, donc on évite de le savoir. Mais enfin, vu mon grade, ça aurait dû être plus simple. Bon, quoi qu'il en soit, Monsieur Clint. Ouais. Monsieur Clint a effectivement des affaires en cours avec le ministère de la Propagande. Il a été retrouvé à Venise il y a 1-2 ans de ça, je crois. Et... visiblement, je n'ai pas vraiment le détail, mais il racontait avoir vécu des choses qui sont totalement impossibles en vue de, simplement de la réalité de notre monde, donc des discours hérétiques, ce genre de choses, et il avait la fâcheuse tendance de parler beaucoup, beaucoup. Et du coup, le ministère a fait un marché avec lui. Qu'il arrête de dire ses âneries, ci et là, pour éviter, en attendant, le ministère de la Propagande d'effacer ses dettes. c'est ce qui s'est passé, et du coup, il a pu revenir visiblement à un bon poste dans le concern. C'est ce que je sais. Du coup, voilà. C'est la seule affaire qu'on a en interne. Je ne dis pas que le reste ne donne rien, je dis que le reste, en tout cas, ne m'a pas été accessible. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que pour les noms de Bonnet et Vachet, il n'y a absolument rien en interne. Pour le coup, je sais que c'est un vrai refus de manque d'information. Donc, vous êtes en train de nous dire que sur la liste que vous a fait parvenir Kornilov, certains noms, on vous a volontairement fermé la porte au nez en vous disant qu'il n'y avait pas d'informations, mais il y en avait, sauf que vous n'avez pas le rang assez élevé pour les avoir. Oui, les Creed, les Fortinelli, ce genre de noms-là, okay. On ne va pas laisser accéder aux détails. Donc les victimes, quoi. Il me semble, oui, je ne connais pas très bien votre enquête. Par contre, sur Monsieur Bonnet, sur Monsieur Vachet, c'est simplement qu'il n'y a rien à dire dessus, quoi. Oui, totalement. Vachet Bonnet, c'était un refus bien honnête que j'ai essuyé. Ok. Donc, en gros, la seule personne de la liste qui a une des informations qui ont filtré et qui sont utiles à la limite, c'est juste pour Baronet Clint. C'est cela. C'est le seul à avoir eu des affaires, des dossiers internes au milieu du ministère de la propagande. Et donc pour Daniel Munoz, rien du tout. Pas d'information. Je ne saurais dire si c'est un. Pour le coup, je ne saurais dire si c'est un cas de pur refus ou de qu'il n'y a simplement rien à savoir. D'un côté, vu la réputation de l'homme, ça serait pas étonnant que ce soit grandement surveillé. Bon, alors après, Clint, c'est quelque chose d'assuré. Donc, en gros, ce qui met Clint en haut de la liste. Étrangement, oui. Il y a une... C'est lui qui correspond plus au profil, du coup. C'est vrai que c'est le seul à avoir un lien, en fait, avec Fotius directement. Ah non, j'ai rien dit. Vachet et Bonnet. Non, et Bonnet ont... voilà. Sauf que, on va dire que C'est Fotius a un passé avec le ministère de la propagande. Voilà. Clint a un passé avec le ministère de la propagande. Et que Clint pas... était au courant du problème de Fotius avec le ministère de la propagande. Voilà. Mais voilà, ce qui n'est pas le cas de Brunet et Vachet. Donc, ce qui nous amène à croire que Clint, dans ce que nous avons aujourd'hui comme information, serait numéro un dans la liste des victimes potentielles. Maintenant, c'est peut-être le cas. Je ne savais pas comment vous aider plus que ça. Je sais juste que il y a peut-être une plaque qui existe pour Monsieur Clint, mais qu'elle est enfermée dans des lieux qui ne me semblent pas forcément facilement accessibles. Hein. Et il faudrait que je fasse marcher quelques contacts pour savoir où elle est rangée exactement. Ce qui vous ferait encore du temps à attendre. Je ne sais pas quand est-ce que vous devez agir. C'est sensiblement après-demain. Demain. Ou après-demain. Enfin, après-demain, donc ça risque d'être compliqué. C'est demain, on est le 2 aujourd'hui. Oui, on est le 2. Donc demain. C'est demain. Ouais. Ouais, malheureusement, je ne pense pas avoir le temps. Imaginons que nous en ayons besoin au-delà de cette date. Ce serait quand même utile. Je peux faire la démarche pour vous. Je ferai passer la plaque par notre contact... anonyme, puisque je ne peux pas prendre le risque que mon nom soit mêlé à la fuite de cette plaque, vous comprenez ? Évidemment. Bien sûr. Parfait. Cela restera entre nous. Ah, j'espère bien, je fais ça pour vous. Après, il serait peut-être intéressant, peut-être de façon détournée, de mettre un peu plus de sécurité autour de ces quatre personnes, sans que ce soit vraiment visible. Mais... sécurité invisible est un peu compliqué à commander, mais ce n'est voilà. pas impossible de... C'est bon, à partir un prétexte, où il y a des hommes... Ah ben, on peut trouver n'importe quel prétexte, mais ça ne sera pas forcément... Enfin, ça, c'est le concept de discrétion qui me trouble. Ouais, de votre oui, manière. Non, mais je veux dire... De plus, si jamais nous venions à disperser nos forces, il faut bien prendre en compte que ça veut dire que nous serons tous un peu, on va dire, faibles, plutôt que tous nous retrouver sur... Enfin, parce que pour le moment, bon, nous avons mis... clean tout au long de la liste, mais enfin je veux dire, si jamais nous décidons de couvrir le plus de, enfin, d'engager le plus de forces possible, déjà cela paraîtra quelque chose, cela paraîtra normal d'engager beaucoup de forces pour couvrir le plus de personnes possible, donc je ne voudrais pas. On fera ce qu'il faut. Après, nous, en interne, au ministère de la Propagande, demander des forces pour protéger Di Procedimento sera facile, pour ne pas dire tout simplement qu'il suffit de demander, puisque votre mission est d'agir contre lui. Donc, si vous avez besoin de ressources, on vous l'a dit, vous avez carte blanche. Donc, il serait peut-être judicieux de mettre des personnes pour protéger... ces personnes-là. Seulement, peut-être, quand je dis de le faire discrètement, ce serait de ne pas trop, si Il Procedimento est dans le secteur, de ne pas trop éveiller les soupçons de sa part. Donc, avoir peut-être des gens, pas forcément en tenue de métropolite, mais peut-être plus en civil, si je puis m'exprimer ainsi. Je pense que nous devons clairement établir un objectif pour cette journée. Que voulons-nous faire ? Est-ce qu'on veut empêcher tout simplement l'assassinat ? Et donc, quand même. Ou est-ce que nous voulons capturer Il Procedimento ? Ah, ça va être compliqué. Est-ce que nous voulons ? Je sais pas moi. Pour l'instant, ça me semble être les deux seules options. Mais L'option principale est de protéger la future victime. Nous n'avons déjà pas son nom, nous avons des suppositions. Mais le but pour premier est de faire en sorte que sa victime ne succombe pas. Surtout que le capturer, ça me paraît vraiment improbable, vu que c'est lui qui a entre guillemets un coup d'avance sur lui. Enfin, sur nous, pardon, c'est-à-dire... Il y a même un coup d'avance sur lui. Pas... on n'en serait pas là sans son aide, c'est triste à dire, mais c'est ça. Voilà. Donc, Ça m'étonnerait qu'il se... Enfin, on peut tenter, hein, on ne sait jamais, mais ça m'étonnerait qu'il se laisse piéger aussi facilement. Mais là, pour moi, c'est un test qu'il nous envoie. Oui, clairement. Il nous teste à savoir si on est capable de rivaliser avec lui. Moi, ce que je vois, c'est que si jamais nous sommes dit ça, si jamais nous devons nous fondre dans la masse... Enfin, pourquoi être discret au final si jamais l'objectif est seulement d'empêcher l'assassinat ? Une vraie présence affichée, nombreuse, d'une grande force, suffirait tout simplement soit à... suffirait, entre guillemets, peut-être à lui faire... Enfin, ce serait plus efficace qu'une force cachée, entre guillemets, et obligée... d'être à couvert, tu vois ce que je veux dire, de voir une couverture et de pouvoir est-ce qu'on pourrait pas trouver un autre prétexte dans ce cas-là pour légitimiser la présence de cette force? Je penserais bien à un certain prétexte, mais par contre j'aurais quelque chose à proposer. On a tous réalisé que Il Procedimento était méthodique, qu'il ne laissait rien au hasard et qu'il était très malin. Du coup, je pense que les personnes qui seront chargées de la sécurité, les métropolites qui seront chargées de sa sécurité, devront être choisies et listées pour que... Pas qu'ils s'incrustent parmi eux. Voilà, que ce ne soit pas juste des métropolites random et qu'ils se fassent passer pour un métropolite et fassent son truc, quoi. Pourrions-nous établir une sorte de code pour nous reconnaître entre nous, ce genre de choses? Pourquoi pas, mais déjà si on arrive à lister les agents qui seront sur ce truc-là, voilà. Mais je ne sais pas, qu'en penses-tu, Kornilov? Je ne sais pas. Sur le fait de protéger les personnes et de nommer, de lister les agents qui seront affubliés à cette tâche. Oui, ça par contre, ça c'est nécessaire, obligatoire même, je dirais. On ne sait pas vraiment jusqu'à où vont ces moyens. Ils peuvent très bien se cacher ou ils pourraient même très bien, pourquoi pas, corrompre certains hommes. Est-ce que pour prendre l'avantage, on pourrait pas également éventuellement se permettre, de manière assez impromptue et sans forcément dire pourquoi, rompre la routine, enfin en tout cas, je veux dire le plan du festival. Vous savez, en changeant par exemple certains horaires au dernier moment, des choses comme ça. Alors ça, je sais pas si c'est une bonne idée, mais peut-être que on sait pas. Trop comment est-ce qu'il, quel angle il va choisir, mais peut-être qu'avec un peu de chance, si on chamboule le trois trucs en trouvant des justifications plus ou moins plausibles et plus ou moins louches, on pourrait tenter de le perdre un peu et de le forcer peut-être à prendre certains risques. Alors pourquoi pas, mais moi ce qui me ferait peur si jamais nous désorganisions et changeons à la dernière minute, c'est justement de provoquer un bazar qui lui profiterait, si vous voyez ce que je veux dire, une cohue dans laquelle. Il serait encore plus facile de se mouvoir. Enfin, si jamais les gens eux-mêmes sont désorientés, enfin, comprenez-vous bien, est-ce que dans ce cas-là, par exemple, si nous changeons le programme du festival, si jamais les personnes à qui nous avons pris ce programme, est-ce que nous les mettons au courant ou pas? Parce qu'elles-mêmes, si jamais elles sont désorientées, elles peuvent devenir des proies plus faciles pour il procedimento. Ce que je veux dire, c'est que cette action pourrait avoir un double effet. Oui, non, c'est vrai. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. J'avoue que, vu comme ça... Je pense qu'il est assez malin pour s'adapter et changer sa... Alors, s'il est encore là après toutes ces années... Je pense que c'est quelqu'un qui peut s'adapter très rapidement à des situations qui sont changeantes. Après, voilà, là, on sait qu'il va avoir la routine. Voilà, peut-être qu'il a déjà anticipé qu'on fasse cela. Il a peut-être même déjà anticipé qu'on ait listé la victime dans les victimes potentielles. Donc, je pense qu'il serait plus sage de quand même faire ce qu'on pense être bon à faire, même si on imagine qu'il a un coup d'avance, bien sûr. Parce qu'il se peut très bien qu'il n'en ait pas, et ça veut dire qu'on aurait sacrifié un possible coup d'avance juste en pensant qu'il en avait deux. C'est sûr. Mais alors, dans quel cas... Peu importe si on pense qu'il voudra s'en sortir quand même. Mais est-ce que ce sera possible de faire ce que tu veux faire, Esther, c'est-à-dire de changer les horaires? Genre, c'est compliqué en termes d'organisation. Avec un truc tout con, si jamais par exemple un élément du décor a sa importance décrocher et je sais pas, s'éclater en plein milieu et qu'il fallait au moins évacuer la zone pendant... Mais dans ce cas-là, ça déclencherait le souci de cohue, donc... Est-ce qu'on veut changer l'emploi du temps pour tout le monde ou pour notre victime primordiale supposée? Ah, peut-être, oui, en effet, peut-être que c'est beaucoup plus... Si on veut changer que pour Clint, il suffit de l'entrer dans un couloir à un moment ou à un autre. Ouais, clairement. Oh, ou alors on drogue les vers de toutes nos victimes potentielles pour qu'elles soient endormies pendant 24 heures. On a un supérieur avec nous. Et il est toujours là, il y a la musique. Hein. J'ai pas la musique. Moi. Super. Et ensuite, on va. Ouais, je rigole, à l'CO, vous le savez bien. On peut partir dans une attaque terroriste. Mais quand... d'ailleurs, c'est vrai ça, Alceo. Qu'en pensez-vous? Pour moi, je ne saurais dire comment on devait agir, surtout en si peu de temps. Chose est sûre, Cornillon a raison pour une chose, ça serait bête de perdre l'occasion, parce que vous pensez qu'il avait un coup d'avance sur le coup d'avance que vous avez peut-être. Faites de votre mieux, foncez. Je ne sais pas, en tout cas, si vous me le demandez, je vous mets à disposition des forces. Ils vous seront disponibles, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Pour ce qui est de vos stratégies, malheureusement, je suis un peu trop extérieur à votre enquête, malgré tout, pour intervenir. Serait-il envisageable d'avoir au moins des gens dans les rues à proximité prêts à les boucler suite à un signal convenu à l'avance? Bien sûr, je vous l'ai dit, si vous avez besoin de force, n'importe lesquelles, hein, elles vous seront dédiées. Et après, honnêtement, on peut même vous mettre toute une cellule pour vous. Et ce sera à vous de leur donner les ordres. Nous pourrions faire ça et imaginer un plan pour tout à fait. Comment dire, protéger nos potentielles victimes de ce dernier d'une manière ou d'une autre. En parallèle, mettre en place un système de bouclage, on va dire, des rues alentours, mais qui doit arriver après le début du festival. En trop de termes, les gens qui se rendent au festival ne doivent pas se rendre compte que le quartier s'apprête à être bouclé, sinon ça n'aurait aucun sens. Quitte à les cacher en civil dans des bars aux alentours ou autres, on convient d'un signal, et donc soit on essaie d'éviter ce qui est censé se passer, soit... on tente de l'attraper en bouclant la rue et en... Est-ce qu'on peut potentiellement imaginer... vraiment boucler le festival pendant cette période et demander par exemple à fouiller toutes les personnes présentes sur place, ou est-ce que c'est vraiment trop gros? Alors, pour le coup, je rappelle que le festival se passe dans toute la ville. Oui, c'est vrai. Tu peux boucler toute la ville si tu veux, mais elle est déjà bouclée par les murs naturellement. J'avais une mauvaise image mentale, c'est vrai. Alceo se lève. Hein. Et dit tout simplement, je vais m'occuper du coup de ça, on se tient au courant d'ici peu, et je vous souhaite bonne chance. Quoi qu'il en soit, faites de votre meilleur pour lui damer le pion, une bonne fois pour toutes. Et à ces mots, il va s'en aller, et on va pouvoir arrêter la session là ce soir.